par une liaison avec l'ancien propriétaire de son fonds et qui avait longtemps alimenté les commérages de la halle, était une beauté virile et provocante, alors disparue dans un excessif embonpoint. Elle habitait le rez-de-chaussée d'une maison jeune en ruine, mais maintenue à chaque étage par des croix en fer. Le défunt avait réussi à se défaire de ses concurrents et à convertir son commerce en monopole. Malgré quelques légers défauts d'éducation, son héritière pouvait donc le continuer de routine, allant et venant dans ses magasins qui occupaient des remises, des écuries et dans d'anciens ateliers où elle combattait les insectes avec succès. Elle n'avait ni comptoir, ni caisse, ni livre. Elle ne savait ni lire, ni écrire, et répondait par des coups de poing à une lettre, en la regardant comme une insulte. Au demeurant, bonne femme, haute en couleur, ayant sur la tête un foulard, par-dessus son bonnet, se conciliant par son verbe d'ophicléide, l'estime des charretiers qui lui apportaient ses marchandises, et avec lesquels ses castilles finissaient par une bouteille de petit blanc. Elle ne pouvait avoir aucune difficulté avec les cultivateurs qui lui expédiaient ses fruits. Ils correspondaient avec de l'argent comptant, seule manière de s'entendre entre eux, et la mère Madou les allait voir pendant la belle saison. Birotteau aperçut cette sauvage marchande au milieu des sacs de noisettes, de marrons et de noix. « Bonjour, ma chère dame, » dit Birotteau d'un air léger. « Ta chère, » dit-elle. « Hé, mon fils, tu me connais donc pour avoir eu des rapports agréables? Est-ce que nous avons gardé des rois ensemble? Je suis parfumeur, de plus adjoint au maire du 2e arrondissement de Paris. Ainsi, comme magistrat et consommateur, j'ai droit à ce que vous preniez un autre ton avec moi. Je me marie quand tu veux, même quand je veux, dit la Virago. Je ne consomme rien à la mairie et ne fatigue pas les adjoints. Quant à ma pratique, un m'adore, et je le parle à mon idée. S'ils ne sont pas contents, ils vont se faire enfiler ailleurs. Voilà les effets du monopole, se dit Birotteau. Popol, c'est mon filleul, et il aura fait des sottises. Venez-vous pour lui, mon respectable magistrat, dit-elle en adoucissant sa voix. Non, j'ai eu l'honneur de vous dire que je venais en qualité de consommateur. Eh bien, comment te nommes-tu, mon gars? Je t'ai pas encore vu venir. Avec ce ton-là, vous devez vendre vos noisettes à bon marché, dit Birotteau, qui se nomma et donna ses qualités. Ah, vous êtes le fameux Birotteau, qui a une belle femme. Et combien voulez-vous ces sucrées de noisettes, mon cher amour? 6 000 pesants. C'est tout ce que j'en ai, dit la marchande, en parlant comme une flûte enrouée. Mon cher monsieur, vous n'êtes pas dans les fainéants pour marier les filles et les parfumeurs. Et les parfumés. Que Dieu vous bénisse. Vous avez de l'occupation. Excusez du peu, vous allez être une fière pratique et vous serez inscrit dans le cœur de la femme que j'aime le mieux au monde, la chère Madame Madou. Combien vos noisettes? Pour vous, mon bourgeois, 25 francs le 100, si vous prenez le tout. 25 francs, dit Birotteau. 1500 francs. Et il m'en faudra peut-être des 100 000 par an. Mais voyez donc la belle marchandise, cueillie sans souliers, dit-elle en plongeant son bras rouge dans un sac d'aveline. Et pas creuse, mon cher monsieur. Pensez donc que les épiciers vendent leurs mendiants 24 sous la livre et que sur 4 livres, ils mettent plus d'une livre de noisettes eues dedans. Faut-il que je perde sur ma marchandise? Pour vous plaire? Vous êtes gentil, mais vous ne me plaisez pas encore assez pour ça. Si vous en faut tant, on pourra faire marcher à 20 francs. Car faut pas envoyer un adjoint, ça porterait malheur au marié. Tentez donc, la belle marchandise est lourde, hein? Il ne faut pas les 50 à la livre. C'est plein, le verre n'y est pas. Allons, envoyez-moi 6 000 pour 2 000 francs et à 90 jours, rue du Faubourg du Temple, à ma fabrique, demain, de grand matin. On sera pressé comme une mariée. Eh bien, adieu, monsieur le maire, sans rancune. Mais si ça vous était égal, dit-elle en suivant Birotteau dans la cour, j'aime mieux vos effets à 40 jours, car je vous fais trop bon marché. Je ne veux pas encore perdre l'escompte. Avec ça qu'il a le cœur tendre, le père gigonnet, il nous sucre l'âme comme une araignée sirote une mouche. Eh bien, oui, à 50 jours. Mais nous ne pèserons pas 100 livres. Mais nous pèserons par 100 livres, afin de ne pas avoir de creuse. Sans cela, rien ne fait. Ah, le chien, il s'y connaît, dit Madame Madou. On ne peut pas lui refaire le poil. C'est ces gueux de la rue, des Lombards, qui lui ont dit ça. Ces gros-là, ces gros loups-là s'entendent tous pour dévorer les pauvres ignots. L'agneau avait 5 pieds de haut et 3 pieds de tour. Elle ressemblait à une borne habillée en cotonnade à raies et sans ceinture. Le parfumeur, perdu dans ses combinaisons, méditait en allant le long de la rue Saint-Honoré sur son duel avec l'huile de Macassar. Il raisonnait ses étiquettes, la forme de ses bouteilles, calculait la contexture du bouchon, la couleur de ses affiches. Et l'on dit qu'il n'y a pas de poésie dans le commerce. Newton ne fit pas plus de calculs pour son célèbre binôme que Birotteau n'en faisait pour l'essence comagène, car l'huile redevint essence. Il allait d'une expression à l'autre sans en connaître la valeur. Toutes les combinaisons se pressaient dans sa tête et il prenait cette activité dans le vide pour la substantielle action du talent. Dans sa préoccupation, il dépassa la rue des Bourdonnais et fut obligé de revenir sur ses pas en se rappelant son oncle. Claude-Joseph Pillerot, autrefois marchand quincaillier à l'enseigne de la Cloche d'Or, était une de ces physionomies, belles en ce qu'elles sont, costume et mœurs, intelligence et cœur, langage et pensée, tout s'harmonisait en lui. Seul et unique parent de Madame Birotteau, Pierrot avait concentré toutes ses affections sur elle et sur Césarine, après avoir perdu dans le cours de sa carrière commerciale sa femme et son fils, puis un enfant adoptif, le fils de sa cuisinière. Ces pertes cruelles l'avaient jeté dans un stoïcisme chrétien, belle doctrine qui animait sa vie et colorait ses derniers jours d'une teinte à la fois chaude et froide, comme celle qui dore les couchers du soleil en hiver. Sa tête maigre et creusée, d'un ton sévère, où l'ocre et le bistre étaient harmonieusement fondus, offrait une frappante analogie avec celle que les peintres donnent au temps. Mais en le vulgarisant, les habitudes de la vie commerciale avaient amoindri chez lui le caractère monumental et rébarbatif exagéré par les peintres, les statuaires et les fondeurs de pendules. De taille moyenne, Pierrot était plutôt trapu que gras. La nature l'avait taillé pour le travail et la longévité. Sa carrure accusait une forte charpente, car il était d'un tempérament sec, sans émotion d'épiderme, mais non pas insensible. Pierrot, peu démonstratif, ainsi que l'indiquait son attitude calme et sa figure arrêtée, avait une sensibilité tout intérieure, sans phrase ni emphase. Son œil, à prunelle verte mélangée de points noirs, était remarquable par une inaltérable lucidité. Son front, ridé par des lignes droites et jauni par le temps, était petit, serré, dur, couvert par des cheveux d'un gris argenté, tenus courts et comme feutrés. Sa bouche fine annonçait la prudence et non l'avarice. La vivacité de l'œil révélait une vie contenue. Enfin, la probité, le sentiment du devoir, une modestie vraie, lui faisait comme une auréole en donnant à sa figure le relief d'une belle santé. Pendant 60 ans, il avait mené la vie dure et sobre d'un travailleur acharné. Son histoire ressemblait à celle de César, moins les circonstances de Reul. Il avait été commis jusqu'à 32 ans, ses fonds étaient engagés dans son commerce au moment où César employait ses économies en rente. Enfin, il avait subi le maximum, ses pioches et ses fers avaient été mis en réquisition. Son caractère sage et réservé, sa prévoyance et sa réflexion mathématique avaient agi sur sa manière de travailler. La plupart de ses affaires s'étaient conclues sur parole, et il avait rarement eu des difficultés. Observateur comme tous les gens méditatifs, il étudiait les gens en les laissant causer. Il refusait alors souvent des marchés avantageux pris par ses voisins, qui plus tard s'en repentaient en se disant que Pierrot flairait les fripons. Il préférait des gains minimes et sûrs à ses coups audacieux qui mettaient en question de grosses sommes, les chaudrons en fonte et en fer, les houes, les fournitures de paysans. Je commence. Il tenait les plaques de cheminée, les grilles, les chenets grossiers, les chaudrons en fonte et en fer, les houes, les fournitures de paysans. Cette partie, assez ingrate, exigeait un travail mécanique excessif. Le gain n'était pas en raison du labour. Il y avait peu de bénéfices sur ces matières lourdes, difficiles à remuer, à emmagasiner. Aussi avait-il cloué bien des caisses, fait bien des emballages, déballé, reçu bien des voitures. aucune fortune n'était ni plus noblement gagnée, ni plus légitime, ni plus honorable que la sienne. Il n'avait jamais surfait, ni jamais couru après les affaires. Dans les derniers jours, on le voyait fumant sa pipe devant sa porte, regardant les passants et voyant travailler ses commis. En 1814, époque à laquelle il se retira, sa fortune consistait d'abord en 70 000 francs qu'il plaça sur le grand livre et dont il eut 5 000 et quelques 100 francs sans intérêt. De rente. Puis en 40 000 francs payables en 5 ans sans intérêt. Le prix de son fonds vendu à l'un de ses commis. Pendant 33 ans, faisant annuellement pour 100 000 francs d'affaires, il avait gagné 7% de cette somme et sa vie en absorbait 5. Tel fut son bilan. Ses voisins, peu envieux de cette médiocrité, louaient sa sagesse sans la comprendre. Au coin de la rue de la Monnaie et de la rue Saint-Honoré se trouve le café David, où quelques vieux négociants allaient, comme Pierrot, prendre leur café le soir. Là, parfois, l'adoption du fils de sa cuisinière avait été le sujet de quelques plaisanteries de celles qu'on adresse à un homme respecté, car il inspirait une estime respectueuse sans l'avoir cherchée. La sienne lui suffisait. Aussi, quand il perdit ce pauvre jeune homme, y eut-il plus de 200 personnes au convoi qui allèrent jusqu'au cimetière. En ce temps, il fut héroïque. Sa douleur contenue, comme celle de tous les hommes forts sans faste, augmenta la sympathie du quartier pour ce brave homme, mot prononcé pour Pierrot, avec un accent qui en étendait le sens et l'ennoblissait. La sobriété de Claude Biron, devenue habitude, ne put se plier au plaisir d'une vie oisive, quand, au sortir du commerce, il rentra dans ce repos qui affaisse tant le bourgeois parisien. Il continua son genre d'existence et anima sa vieillesse par ses convictions politiques qui, disons-le, étaient celles de l'extrême-gauche. Biron appartenait à cette partie ouvrière agrégée par la Révolution à la bourgeoisie. La seule tâche de son caractère était l'importance qu'il attachait à sa conquête. Il tenait à ses droits, à la liberté, aux fruits de la Révolution. Il croyait son aisance et sa consistance politique compromises par les jésuites, dont les libéraux annonçaient le secret pouvoir, menacés par les idées que constitutionnels prêtaient à monsieur. Il était d'ailleurs conséquent avec sa vie, avec ses idées. Il n'y avait rien d'étroit dans sa politique. Il n'injuriait pas ses adversaires. Il avait peur des courtisans et croyait aux vertus républicaines. Il imaginait Manuel pur de tout excès, le général Foy, grand homme, Casimir Perrier, sans ambition, Lafayette, un prophète politique, Courrier, bonhomme. Il avait enfin de nobles chimères. Ce beau vieillard vivait de la vie de famille. Il allait chez Dragon, chez sa nièce, chez le juge Popineau, chez Joseph Lebas, chez les Matifat. Personnellement, 1500 francs faisaient raison de tous ses besoins. Quant au reste de ses revenus, il employait à de bonnes œuvres, en présent sa petite nièce. Il donnait à dîner 4 fois par an à ses amis, chez Roland, rue du Hasard, et les menait au spectacle. Il jouait le rôle de ces vieux garçons sur qui les femmes mariées tirent des lettres de change à vue pour leur fantaisie. Une partie de campagne, l'opéra, les montagnes Beaujon. Pierrot était alors heureux du plaisir qu'il donnait. Il jouissait dans le cœur des autres. Après avoir vendu son fonds, il n'avait pas voulu quitter le quartier où étaient ses habitudes, et il avait pris, rue des Bourdonnais, un petit appartement de 3 pièces, au 4e dans une vieille maison. De même que les mœurs de Molineux se plaignaient dans son étrange mobilier, de même la vie pure et simple de Pierrot était révélée par les dispositions intérieures de son appartement composé d'une antichambre, d'un salon et d'une chambre. Aux dimensions près, c'était la cellule du Chartreux. L'antichambre, aux carreaux rouges et frottés, n'avait qu'une fenêtre ornée de rideaux en percale à bordure rouge, des chaises d'acajou garnies de basane rouge et de clous dorés. Les murs étaient tendus d'un papier vert olive et décorés du serment des Américains, du portrait de Bonaparte en premier consul et de la bataille d'Austerlitz. Le salon, sans doute arrangé par le tapissier, avait un meuble jaune à rosaces. Un tapis, la garniture de cheminée en bronze, en dorure, un devant de cheminée, peint, une console avec un vase à fleurs sous verre, une table ronde, à tapis, sur laquelle était un porte-liqueur. Le neuf de cette pièce annonçait assez un sacrifice fait aux usages du monde par le vieux quincaillier, qui recevait rarement. Dans sa chambre, simple comme celle d'un religieux ou d'un vieux soldat, les deux hommes, qui apprécient le mieux la vie, un crucifix, à bénitier, placé dans son alcôve, frappait les regards. Cette profession de foi chez un républicain stoïque émouvait profondément. Une vieille femme venait faire son ménage, mais son respect pour les femmes était si grand qu'il ne lui laissait pas cirer ses souliers, nettoyés par abonnement avec un décrotteur. Son costume était simple et invariable. Il portait habituellement une redingote et un pantalon de drap bleu, un gilet de rouennerie, une cravate blanche et des souliers très couverts. Les jours fériés, il mettait un habit à boutons de métal. Ses habitudes pour son lever, son déjeuner, ses sorties, son dîner, ses soirées et son retour au logis étaient marquées au coin de la plus stricte exactitude, car la régularité des mœurs fait la longue vie et la santé. Il n'était jamais question de politique entre César, les Ragon, l'abbé Loro et lui, car les gens de cette société se connaissaient trop pour en venir à des attaques sur le terrain du prosélytisme. Comme son neveu et comme les Ragon, il avait une grande confiance en Roguin. Pour lui, le notaire de Paris était toujours un être vénérable, une image vivante de la probité. Dans l'affaire des terrains, Pirot s'était livré à un contre-examen qui motivait la hardiesse avec laquelle César avait combattu les pressentiments de sa femme. Le parfumeur monta les 78 marches qui menaient à la petite porte brune de l'appartement de son oncle, en pensant que ce vieillard devait être bien vert pour toujours les monter sans se plaindre, et trouva la redingote et le pantalon étendus sur le porte-manteau placé à l'extérieur. Madame Vaillant les brossait et frottait pendant que ce vrai philosophe, enveloppé dans une redingote en molleton gris, déjeunait au coin de son feu en lisant les débats parlementaires dans le Constitutionnel ou Journal du Commerce. « Mon oncle, dit César, l'affaire est conclue. On va dresser les actes. Si vous aviez cependant quelques craintes ou des regrets, il est encore temps de rompre. Pourquoi romprais-je ? L'affaire est bonne, mais longue à réaliser, comme toutes les affaires sûres. Mes 50 000 francs sont à la banque. J'ai touché hier les derniers 5 000 francs de mon fonds. Quant aux Ragon, ils y mettent toute leur fortune. Eh bien, comment vivent-ils ? Enfin, sois tranquille, ils vivent. Mon oncle, je vous entends, dit Birotteau, vivement ému et serrant les mains du vieillard austère. Comment se fera l'affaire ? Dit brusquement Pirot. J'y serai pour 3/8, vous et les Ragon pour 1/8, je vous créditerai sur mes livres jusqu'à ce qu'on ait décidé la question des actes notariés. Bon, mon garçon, tu es donc bien riche pour jeter là 300 000 francs, et il me semble que tu hasardes beaucoup en dehors de ton commerce, n'en souffrira-t-il pas? Enfin, ça te regarde. Si tu éprouvais un échec, voilà les rentes à 80. Je pourrais vendre 2 000 francs de mes consolidés. Prends-y garde, mon garçon. Si tu avais recours à moi, ce serait la fortune de ta fille à laquelle tu toucherais là. Mon oncle, comme vous me dites simplement les plus belles choses, vous me remuez le cœur. Le général Foy me le remuait bien autrement, tout à l'heure. Enfin, va, conclue. Les terrains ne s'envoleront pas, ils seront à nous pour moitié, quand il faudrait attendre 6 ans. Nous aurons toujours quelques intérêts. Il y a des chantiers qui donnent des loyers, on ne peut donc rien perdre. Il n'y a qu'une chance, encore est-elle impossible. Roguin n'emportera pas nos fonds. Ma femme me le disait pourtant cette nuit, elle craint. Roguin emporte nos fonds, dit Pirot en riant. Et pourquoi? Il a, dit-elle, trop de sentiments dans le... Et comme tous les hommes qui ne peuvent pas avoir de femme, il est enragé pour... Après avoir laissé échapper un sourire d'incrédulité, Pirot alla déchirer d'un livret un petit papier, écrivit la somme et signa. Tiens, voilà sur la banque un bon de 100 000 francs pour Ragon et pour moi. Ces pauvres gens ont pourtant vendu à ton mauvais drôle de Du Tillet leurs 15 actions dans les mines de Wershin pour compléter la somme. De braves gens dans la peine, cela serre le cœur. Et les gens si dignes, si nobles, la fleur de la vieille bourgeoisie, enfin. Leur frère Popinot, le juge, n'en sait rien, et il se cache de lui pour ne pas l'empêcher de se livrer à sa bienfaisance. Des gens qui ont travaillé comme moi pendant 30 ans. Dieu veuille donc que l'huile comagène réussisse, s'écria Birotteau. J'en serai doublement heureux. « Adieu, mon oncle, vous viendrez dîner dimanche avec les Ragon, Roguin et M. Claparon, car nous signerons tous après-demain. C'est demain vendredi, je ne veux pas faire Tu donnes donc dans ces superstitions-là. Mon oncle, je ne croirai jamais que le jour où le Fils de Dieu fut mis à mort par les hommes est un jour heureux. On interrompt bien toutes les affaires pour le 21 janvier. »« À dimanche, dit brusquement Pirot. » sans ses opinions politiques, se dit Birotteau en descendant l'escalier. Je ne sais pas s'il aurait son pareil ici-bas, mon oncle. Qu'est-ce que lui fait la politique? Il serait si bien, n'y songeant pas du tout. Son entêtement prouve qu'il n'y a plus d'homme parfait. Déjà 3 heures, dit César en rentrant chez lui. Monsieur, vous prenez ces valeurs-là? Lui demanda Célestin en montrant les broches du marchand de parapluies. Oui, assis, sans commission. Ma femme, apprête tout pour ma toilette. Je vais chez monsieur Vauquelin. Tu sais pourquoi? Une cravate blanche surtout. Birotteau donna quelques ordres à ses commis. Il ne vit pas Popinot, devina quand son futur associé s'habillait et remonta promptement dans sa chambre où il trouva la Vierge de Dresde, magnifiquement encadrée selon ses ordres. « Eh bien, c'est gentil, » dit-il à sa fille. « Mais papa, dis donc que c'est beau, sans quoi on se moquerait de toi. Voyez-vous cette fille, grigronde son père. Eh bien, pour mon goût, j'aime autant Héros et Léandre. La Vierge est un sujet religieux qui peut aller dans une chapelle. Mais Héros et Léandre, ah, je l'achèterai, car le flacon d'huile m'a donné des idées. « Mais papa, je ne te comprends pas. »« Virginie, un fiacre !» cria César d'une voix retentissante, quand il eut fait sa barbe et que le timide Popinot parut en traînant le pied à cause de Césarine. L'amoureux ne s'était pas encore aperçu que son infirmité n'existait plus pour sa maîtresse. Délicieuse preuve d'amour que les gens à qui, le hasard, inflige un fils corporel quelconque, peuvent seuls recueillir. « Monsieur, dit-il, la presse pourra manœuvrer demain. »« Eh bien, qu'as-tu, Popinot ?» demanda César, en voyant rougir Anselme. « Monsieur, c'est le bonheur d'avoir trouvé une boutique, arrière-boutique, cuisine et des chambres au-dessus et des magasins pour 1200 francs par an, rue des 5 Diamants. »« Il faut obtenir un bail de 18 ans, dit Birotteau. « Mais allons chez Monsieur Vauquelin, nous causerons en route. » César et Popinot montèrent en fiacre, aux yeux des commis étonnés de ces exorbitantes toilettes, et d'une voiture anormale, ignorant qu'ils étaient des grandes choses méditées par le maître de la Reine des Roses. « Nous allons donc savoir la vérité sur les noisettes, » se dit Parfumeur. « Des noisettes ?» dit Popinot. « Tu as mon secret, Popinot, » dit Parfumeur. « J'ai lâché le mot noisette, tout est là. L'huile de noisette est la seule qui ait de l'action sur les cheveux. Aucune maison de parfumerie n'y a pensé. En voyant la gravure des roues et de Léandre, je me suis dit, si les anciens usaient tant d'huile pour leurs cheveux, ils avaient une raison quelconque, car les anciens sont les anciens, malgré les prétentions des modernes. Je suis de l'avis de Boileau sur les anciens. Je suis parti de là pour arriver à l'huile de noisette grâce au petit Blanchon, l'élève en médecine, ton parent. Il m'a dit qu'à l'école, ses camarades employaient l'huile de noisette pour activer la croissance de leurs moustaches et favoris. Et il ne nous manque plus que la sanction de l'illustre monsieur Vauquelin. Éclairé par lui, nous ne tromperons pas le public. Tout à l'heure, j'étais à la halle chez une marchande de noisettes. Pour avoir la matière première, dans un instant, je serai chez l'un des plus grands savants de France pour en tirer la quintessence. Les proverbes ne sont pas sots, les extrêmes se touchent. Vois, mon garçon, le commerce est l'intermédiaire des productions végétales et de la science. Angélique Madou récolte, monsieur Vauquelin extrait, et nous vendons une essence. Les noisettes valent 5 sous la livre. Monsieur Vauquelin va centupler leur valeur, et nous rendrons service peut-être à l'humanité, car si la vanité cause de grands tourments à l'homme, un bon cosmétique est alors un bienfait. La religieuse admiration avec laquelle Popinot écoutait le père de sa Césarine stimula l'éloquence de Birotteau, qui se permit les phrases les plus sauvages qu'un bourgeois puisse inventer. « Sois respectueux, Anselme, dit-il, en entrant dans la rue où demeurait Vauquelin, nous allons pénétrer dans le sanctuaire de la science. » Mais la Vierge en évidence, sans affectation, dans la salle à manger, sur une chaise. « Pourvu que je ne m'entortille pas dans ce que je veux dire, » s'écria naïvement Birotteau. « Popinot, cet homme me fait une impression chimique. Sa voix me chauffe les entrailles et me cause même une légère colique. Il est mon bienfaiteur, et dans quelques instants, Anselme, il sera le tien. » Ces paroles donnèrent froid à Popinot, qui posa ses pieds comme s'il eût marché sur des œufs, et regarda d'un air inquiet les murailles. Monsieur Vauquelin était dans son cabinet et on lui annonça Birotteau. L'académicien savait le parfumeur adjoint au maire et très en faveur, il le reçut. « Vous ne m'oubliez donc pas dans vos grandeurs, dit le savant, mais de chimiste à parfumeur, il n'y a que la main. « Hélas, monsieur, de votre génie à la simplicité d'un bonhomme comme moi, il y a l'immensité. Je vous dois ce que vous appelez mes grandeurs et ne l'oublierai ni dans ce monde ni dans l'autre. Oh, dans l'autre, dit-on, nous serons tous égaux, les rois et les savetiers. » C'est-à-dire les rois et les savetiers qui se seront saintement conduits, dit Birotteau. C'est votre fils, dit Vauquelin, en regardant le petit Popinot, hébété de ne rien voir d'extraordinaire dans le cabinet où il croyait trouver des monstruosités, de gigantesques machines, des métaux volants, des substances animées. Non, monsieur, mais un jeune homme que j'aime et qui vient implorer une bonté égale à votre talent. N'est-elle pas infinie, dit-il d'un air fin. Nous venons vous consulter une seconde fois, à 16 ans de distance, sur une matière importante sur laquelle je suis ignorant comme un parfumeur. Voyons, qu'est-ce ? Je sais que les cheveux occupent vos veilles et que vous livrez à leur analyse. Pendant que vous y pensiez pour la gloire, j'y pensais pour le commerce. Cher monsieur Birotteau, que voulez-vous de moi ? L'analyse des cheveux ? Il prit un petit papier. Je vais lire à l'Académie des sciences un mémoire sur ce sujet. Les cheveux sont formés d'une quantité assez grande de mucus, d'une petite quantité d'huile blanche, de beaucoup d'huile noire verdâtre, de fer, de quelques atomes d'oxyde de manganèse, de phosphate, de chaux, d'une très petite quantité de carbonate de chaux, de silice, de beaucoup de soufre. Les différentes proportions de ces matières font les différentes couleurs des cheveux. Ainsi, les rouges ont beaucoup plus d'huile noire verdâtre que les autres. César et Popinot ouvraient des yeux d'une grandeur risible. Neuf choses, s'écria Birotteau. Comment ? Il se trouve dans un cheveu des métaux et des huiles ? Il faut que ce soit vous, un homme que je vénère, qui me le dise pour que je le croie. Est-ce extraordinaire ? Dieu est grand, monsieur Vauquelin. Le cheveu est produit par un organe folliculaire, reprit le grand chimiste, une espèce de poche ouverte à ses deux extrémités. Par l'une, elle tient à des nerfs et à des vaisseaux, par l'autre sort le cheveu. Selon quelques-uns de nos savants confrères, et parmi eux M. de Blainville, le cheveu serait une partie morte, expulsée de cette poche ou crypte que remplit une matière pulpeuse. C'est comme qui dirait de la sueur en bâton, s'écria Popinot, à qui le parfumeur donna un petit coup de pied dans le talon. Vauquelin sourit à l'idée de Popinot. Il a des moyens, n'est-ce pas ? Dit alors César en regardant Popinot. Mais monsieur, si les cheveux sont mort-nés, il est impossible de les faire vivre. Nous sommes perdus. Le prospectus est absurde. Vous ne savez pas comme le public est drôle. On ne peut pas venir lui dire qu'il a un fumier sur la tête, dit Popinot, voulant encore faire rire Vauquelin. Des catacombes aériennes, lui répondit le chimiste, en continuant la plaisanterie. Et mes oiselles qui sont achetées, s'écria Birotteau, sensible à la perte commerciale. Et pourquoi vend-on des... Rassurez-vous, dit Vauquelin, souriant. Je vois qu'il s'agit de quelques secrets pour empêcher les cheveux de tomber ou de blanchir. Écoutez, voilà mon opinion sur la matière après tous mes travaux. Popinot dressa les oreilles comme un lièvre effrayé. La décoloration de cette substance morte ou vive est, selon moi, produite par l'interruption de la sécrétion des matières colorantes, ce qui expliquerait comment, dans les climats froids, le poil des animaux à belle fourrure pâlit et blanchit pendant l'hiver. Hein, Popinot ? Il est évident, reprit Vauquelin, que l'altération des chevelures est due à des changements subis dans la température ambiante. Ambiante, Popinot, retiens, retiens, cria César. Oui, dit Vauquelin, au froid et au chaud, alternatif, ou à des phénomènes intérieurs qui produisent le même effet. Ainsi, probablement, les migraines et les affections céphalalgiques absorbent, dissipent ou déplacent les fluides générateurs. L'intérieur regarde les médecins. Quant à l'extérieur, arrive aux cosmétiques. Eh bien, monsieur, dit Birotteau, vous me rendez la vie. J'ai songé à vendre de l'huile de noisette, en pensant que les anciens faisaient usage d'huile pour leurs cheveux. Et les anciens sont les anciens. Je suis de la ville de Boileau. Pourquoi les athlètes oignaient-ils l'huile d'olive vaut l'huile de noisette ? Dit Vauquelin, qui n'écoutait pas Birotteau. Toute huile est bonne, pour préserver le bulbe des impressions nuisibles aux substances qu'il contient en travail. Nous dirions en dissolution, s'il s'agissait de chimie. Peut-être avez-vous raison. L'huile de noisette possède, m'a dit Dupuytren, un stimulant. Je chercherai à connaître les différences qui existent entre les huiles de fen, de colza, d'olive, de noix, etc. Je ne me suis donc pas trompé, dit Birotteau triomphalement. Je me suis rencontré avec un grand homme. Macassar est enfoncé. Macassar, monsieur, est un cosmétique donné, c'est-à-dire vendu, et vendu cher, pour faire pousser les cheveux. Cher monsieur Birotteau, dit Vauquelin, il n'est pas venu 2 onces d'huile de Macassar en Europe. L'huile de Macassar n'a pas la moindre action sur les cheveux. Mais les malaises l'achètent au poids de l'or à cause de son influence conservatrice sur les cheveux, sans savoir que l'huile de baleine est tout aussi bonne. Aucune puissance, ni chimique, ni divine. Oh, divine, ne dites pas cela, monsieur Vauquelin. Mais, cher monsieur, la première loi que Dieu suive est d'être conséquent avec lui-même. Sans unité, pas de puissance. Ah, vu comme ça, aucune puissance ne peut donc faire pousser le cheveu à des chauves. De même que vous ne teindrez jamais sans danger les cheveux rouges ou blancs. Mais en vantant l'emploi de l'huile, vous ne commettrez aucune erreur, aucun mensonge. Et je pense que ceux qui s'en serviront pourront conserver leurs cheveux. Croyez-vous qu'un cadet royal des sciences voudrait approuver ? Oh, il n'y a pas là la moindre découverte, dit Vauquelin. D'ailleurs, les charlatans ont tant abusé du nom de l'académie que vous n'en seriez pas plus avancé. Ma conscience se refuse à regarder l'huile de noisette comme un prodige. Quelle serait la meilleure manière de l'extraire ? Par la décoction ou par la pression, dit Birotteau. Par la pression entre deux plaques chaudes, l'huile sera plus abondante. Mais obtenue par la pression entre deux plaques froides, elle sera de meilleure qualité. Et il faut l'appliquer, dit Vauquelin, avec bonté, sur la peau même, et non sans frotter les cheveux. Autrement, l'effet serait manqué. Retiens bien ceci, Popinot, dit Birotteau, dans un enthousiasme qui lui enflammait le visage. Vous voyez, monsieur, un jeune homme qui comptera ce jour parmi les plus beaux de sa vie. Et il vous connaissait, vous vénérez, sans vous avoir vu. Ah, il est souvent question de vous chez moi. Le nom qui est toujours dans les cœurs arrive souvent sur les lèvres. Nous prions, ma femme, ma fille et moi, pour vous, tous les jours, comme on le doit pour son bienfaiteur. C'est trop pour si peu, dit Vauquelin, gêné par la verbeuse reconnaissance du parfumeur. Ta ta ta, fit Birotteau, vous ne pouvez pas nous empêcher de vous aimer, vous qui n'acceptez rien de moi. Vous êtes comme le soleil, vous jetez la lumière, et ceux que vous éclairez ne peuvent rien vous vendre. Le savant sourit et se leva, le parfumeur et Popinot se levèrent aussi. Regarde, Anselme, regarde bien ce cabinet. Vous permettez, monsieur, vos moments sont si précieux, il ne reviendra peut-être plus ici. Eh bien, êtes-vous content des affaires, dit Vauquelin à Birotteau, car enfin, nous sommes deux gens de commerce. Ah, c'est bien, monsieur, dit Birotteau, se retirant vers la salle à manger où le suivit Vauquelin. Mais pour lancer cette huile sous le nom d'essence comagène, il faut de grands fonds. Essence et comagène sont deux mots qui hurlent. Appelez votre cosmétique huile de Birotteau. Si vous ne voulez pas mettre votre nom en évidence, prenez-en un autre. Mais voilà, la Vierge de Dresde. Ah, monsieur Birotteau, vous voulez que nous quittions brouillés ? Monsieur Vauquelin, dit le parfumeur, en prenant les mains du chimiste, cette rareté n'a de prix que par la persistance que j'ai mise à la chercher. Il a fallu faire fouiller toute l'Allemagne pour la trouver sur papier de Chine. Et avant la lettre, je savais que vous la désiriez. Vos occupations ne vous permettaient pas de vous la procurer. Je me suis fait votre commis voyageur. Agréé donc. Non une méchante gravure, mais des soins, une sollicitude, des pas et des marches qui prouvent un dévouement absolu. J'aurais voulu que vous souhaitassiez quelques substances qu'il fallut aller chercher au fond des précipices et venir vous dire « Les voilà, ne me refusez pas, nous avons tant de chances pour être oubliés. » Laissez-moi me mettre, moi, ma femme et ma fille, et le gendre que j'aurai tous sous vos yeux. Vous direz, en voyant la Vierge, et il y a de bonnes gens qui pensent à moi. J'accepte, dit Vauquelin. Popinot et Birotteau s'essuyèrent les yeux, tant ils furent émus de l'accent de bonté que mit l'académicien à ce mot. Voulez-vous combler votre bonté, dit le parfumeur. Qu'est-ce, fit Vauquelin. Je réunis quelques amis, il se souleva sur les talons, en prenant néanmoins un air humble. Autant pour célébrer la délivrance du territoire que pour fêter ma nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur. Ah, dit Vauquelin étonné, peut-être me suis-je rendu digne de cet insigne et royale faveur en siégeant au tribunal consulaire et en combattant pour les Bourbons sur les marches de Saint-Roch, au 13 Vendémiaire, où je fus blessé par Napoléon. Ma femme donne un bal dimanche dans 20 jours. Venez-y, monsieur. Faites tout l'honneur de dîner avec tout ce jour-là. Pour moi, ce sera recevoir deux fois la croix. Je vous écrirai bien à l'avance. Eh bien oui, dit Vauquelin. Mon cœur se gonfle de plaisir, s'écria le parfumeur dans la rue. Il viendra chez moi. J'ai peur d'avoir oublié ce qu'il a dit sur les cheveux. Tu t'en souviens, Popinot ? Oui, monsieur. Dans 20 ans, je m'en souviendrai encore. Ce grand homme, quel regard et quelle pénétration, dit Birotteau. Ah, il en a fait ni une ni deux du premier coup. Il a deviné nos pensées et nous a donné les moyens d'abattre l'huile de Macassar. Ah, rien ne peut faire pousser les cheveux. Macassar, tu mens. Popinot, nous tenons une fortune. Ainsi, demain, à 7 heures, soyons à la fabrique. Les noisettes viendront et nous ferons de l'huile, car il a beau dire que toute huile est bonne, nous serions perdus si le public le savait. S'il n'entrait pas dans notre huile un peu de noisette et de parfum, sous quel prétexte pourrions-nous la vendre 3 ou 4 francs les 4 onces? Vous allez être décoré, monsieur, dit Popinot. Quelle gloire pour le commerce, n'est-ce pas, mon enfant? L'air triomphant de César Birotteau, sûr d'une fortune, fut remarqué par ses commis qui se firent des signes entre eux, car la course en fiacre, la tenue du caissier et du patron les avaient jetés dans les romans les plus bizarres. Le contentement du duel de César et d'Anselme, trahi par des regards diplomatiquement échangés, le coup d'œil plein d'espérance que Popinot jeta par deux fois à Césarine, annonçait quelque événement grave et confirmait les conjectures des commis. Dans cette vie occupée et quasi claustrale, les plus petits accidents prenaient l'intérêt que donne un prisonnier à ceux de sa prison. L'attitude de Madame César, qui répondait au regard olympien de son mari par des airs de doute, accusait une nouvelle entreprise. Car en temps ordinaire, Madame César aurait été contente, elle que les succès du détail rendaient joyeuse. Par extraordinaire, la recette de la journée se montait à 6000 francs. On était venu payer quelques mémoires arriérées. La salle à manger et la cuisine, éclairée par une petite cour et séparée de la salle à manger par un couloir où débouchait l'escalier pratiqué dans un coin de l'arrière-boutique, se trouvait à l'entresol où jadis c'était l'appartement de César et de Constance. Aussi, la salle à manger où s'était écoulée la lune de miel avait-elle l'air d'un petit salon. Durant le dîner, Raguet, le garçon de confiance, gardait le magasin. Mais au dessert, les commis redescendaient au magasin et laissaient César, sa femme et sa fille achever leur dîner au coin du feu. Cette habitude venait des Ragons, chez qui les anciens us et coutumes du commerce, toujours en vigueur, maintenaient entre eux et les commis l'énorme distance qui jadis existait entre les maîtres et les apprentis. Césarine ou Constance apprêtait alors au parfumeur sa tasse de thé qu'il prenait assis dans une bergère au coin du feu. Pendant cette heure, César mettait sa femme aux fêtes des petits événements de la journée. Il racontait ce qu'il avait vu dans Paris, ce qui se passait au faubourg du Temple, les difficultés de sa fabrication. « Ma femme, dit-il quand les commis furent descendus, voilà certes une des plus importantes journées de notre vie. Les noisettes achetées, la presse hydraulique prête à manœuvrer demain, l'affaire des terrains conclue. Enfin, tiens, serre donc ce bon sur la banque, dit-il en lui remettant le mandat de Pierrot. La restauration de l'appartement décidée, notre appartement augmenté. Mon Dieu, j'ai vu Courbatave, un homme bien singulier. Et il raconta M. Molineux. Je vois, lui répondit sa femme en l'interrompant au milieu d'une tirade, que tu t'es endetté de 200 000 francs. « C'est vrai, ma femme, dit le parfumeur, avec une fausse humilité. Comment paierons-nous cela, bon Dieu? Car il faut compter pour rien les terrains de la Madeleine, destinés à devenir un jour le plus beau quartier de Paris. Un jour, César. Hélas, dit-il en continuant sa plaisanterie, mes 3/8 ne vaudront 1 000 000 que dans 6 ans. Et comment payer 200 000 francs, reprit César, en faisant un geste d'effroi. Eh bien, nous les paierons cependant avec cela, dit-il, en tirant de sa poche une noisette prise chez Madame Madou et précieusement gardée. Il montra la noisette entre ses deux doigts à Césarine et à Constance. Sa femme ne dit rien, mais Césarine, intriguée, dit en servant le café à son père, « Ah, ça, papa, tu ris ?» Le parfumeur, aussi bien que ses commis, avait surpris pendant le dîner les regards jetés par Popinot à Césarine. Il voulut éclaircir ses soupçons. « Eh bien, Fifi, cette noisette est cause d'une révolution au logis. Il y aura, dès ce soir, quelqu'un de moins sous notre toit. » Césarine regarda son père en ayant l'air de dire « Que m'importe ?» Popinot s'en va. Quoique César fût un pauvre observateur et qu'il eût préparé sa dernière phrase autant pour tendre un piège à sa fille que pour arriver à sa création de la maison, Popinot et compagnie. Sa tendresse paternelle lui fit deviner les sentiments confus qui sortirent du cœur de sa fille, fleurirent en rose rouge sur ses joues, sur son front et colorèrent ses yeux qu'elle baissa. César crut alors à quelques paroles échangées entre Césarine et Popinot. Il n'en était rien. Ces deux enfants s'entendaient, comme tous les amants timides, sans s'être dit un mot. Quelques moralistes pensent que l'amour est la passion la plus involontaire, la plus désintéressée, la moins calculatrice de toutes, excepté toutefois la maternelle. Cette opinion comporte une erreur grossière. Si la plupart des hommes ignorent les raisons qui font aimer, toute sympathie physique ou morale n'en est pas moins basé sur des calculs faits par l'esprit, le sentiment ou la brutalité. L'amour est une passion essentiellement égoïste. Qui dit égoïsme dit profond calcul. Ainsi, pour tout esprit frappé seulement des résultats, il peut sembler au premier abord, invraisemblable ou singulier, de voir une belle fille comme Césarine éprise d'un pauvre enfant boiteux et à cheveux rouges. Néanmoins, ce phénomène est en harmonie avec l'arithmétique des sentiments bourgeois. L'expliquer sera rendre compte des mariages toujours observés avec une constante surprise et qui se font entre grandes et de belles femmes et de petits hommes, entre de petites, de laides créatures et de beaux garçons. Tout homme atteint d'un défaut de conformation quelconque, les pieds beaux, la claudication, les diverses gibbosités, l'excessive laideur, les taches de vin répandues sur la joue, les feuilles de vigne, l'infirmité de Roguin et autres monstruosités indépendantes de la volonté des fondateurs n'a que deux parties à prendre, ou se rendre redoutable, ou devenir d'une exquise bonté. Il n'est pas permis de flotter entre les moyens termes habituels à la plupart des hommes. Dans le premier cas, il y a talent, génie ou force. Un homme n'inspire la terreur que par la puissance du mal, le respect que par le génie, la peur que par beaucoup d'esprit. Dans le second cas, il se fait adorer, il se prête admirablement aux tyrannies féminines et c'est mieux aimé que n'aiment les gens d'une irréprochable corporance. Élevé par des gens vertueux, par les Ragons, modèles de la plus honorable bourgeoisie, et par son oncle, le juge Popinot, Anselme avait été conduit, et par sa candeur, et par ses sentiments religieux, à racheter son léger vice corporel par la perfection de son caractère. Frappé de cette tendance qui rend la jeunesse si attrayante, Constance et César avaient souvent fait l'éloge d'Anselme devant Césarine. Mesquins d'ailleurs, ils étaient grands par l'âme et comprenaient bien les choses du cœur. Ces éloges trouvèrent de l'écho chez une jeune fille qui, malgré son innocence, lut dans les yeux si purs d'Anselme un sentiment violent, toujours flatteur, quel que soit l'âge, le rang et la tournure de l'amant. Le petit Popinot devait avoir beaucoup plus de raisons qu'un bel homme d'aimer une femme. Si sa femme était belle, il en serait fou jusqu'à son dernier jour. Son amour lui donnerait de l'ambition. Il se tuerait pour rendre sa femme heureuse. Il la laisserait maîtresse au logis. Il irait au-devant de la domination. Ainsi pensait Césarine involontairement, et pas aussi cruellement, elle entrevoyait à vol d'oiseau les moissons de l'amour et raisonnait par comparaison. Le bonheur de sa mère était devant ses yeux. Elle ne souhaitait pas d'autre vie. Son instinct lui montrait dans Anselme un autre César, perfectionné par l'éducation, comme elle était par la sienne. Elle rêvait Popinot, maire d'un arrondissement, et se plaisait à se peindre qu'étant un jour à sa paroisse comme sa mère à Saint-Roch. Elle avait fini par ne plus s'apercevoir de la différence qui distinguait la jambe gauche de la jambe droite chez Popinot. Elle eût été capable de dire « Mais boite-t-il ? » Elle aimait cette prunelle si limpide et s'était plu à voir l'effet que produisait son regard sur ses yeux qui brillaient aussitôt d'un feu pudique et se baissaient mélancoliquement. Le premier clerc de Roguin, doué de cette précoce expérience, due à l'habitude des affaires, Alexandre Crotta, avait un air moitié cynique, moitié bonasse, qui révoltait Césarine, déjà révoltée par les lieux communs de sa conversation. Le silence de Popinot trahissait un esprit doux. Elle aimait le sourire à demi mélancolique que lui inspirait d'insignifiantes vulgarités. Les niaiseries qui le faisaient sourire excitaient toujours quelques répulsions chez elle. Ils souriaient ou se contristaient ensemble. Cette supériorité n'empêchait pas Anselme de se précipiter à l'ouvrage. Et son infatigable ardeur plaisait à Césarine, car elle devinait que si les autres commis disaient « Césarine épousera le premier clerc de M. Roguin », Anselme, pauvre, boiteux et à cheveux roux, ne désespérait pas d'obtenir sa main. Une grande espérance prouve un grand amour. « Où va-t-il ? » demanda Césarine à son père, en essayant de prendre un air indifférent. « Il s'établit rue des Cinq Diamants, et ma foi, à la grâce de Dieu, dit Birotteau, dont l'exclamation ne fut comprise ni par sa femme ni par sa fille. Quand Birotteau rencontrait une difficulté morale, il faisait comme les insectes devant un obstacle. Il se jetait à gauche ou à droite. Il changea donc de conversation en se promettant de causer de Césarine avec sa femme. J'ai raconté tes craintes et tes idées sur Roguin à ton oncle, et il s'est mis à rire, dit-il à Constance. « Tu ne dois jamais révéler ce que nous nous disons entre nous, » s'écria Constance. « Ce pauvre Roguin est peut-être le plus honnête homme du monde. Il a 58 ans et ne pense plus sans doute. » Elle s'arrêta court en voyant Césarine attentive et la montra par un coup d'œil à César. « J'ai donc bien fait de conclure, » dit Birotteau. « Mais tu es le maître, » répondit-elle. César prit sa femme par les mains et la baisa au front. Cette réponse était toujours chez elle un consentement tacite au projet de son mari. « Allons !» s'écria le parfumeur en descendant à son magasin et parlant à ses commis. « La boutique se fermera à 10 heures. Messieurs, un coup de main. Il s'agit de transporter pendant la nuit tous les meubles du premier au second. Et il faut mettre, comme on dit, les petits pots dans les grands, afin de laisser demain mon architecte les coups des francs. » Popinot est sorti sans permission, dit César en ne voyant pas. Eh, mais il ne couche pas ici, j'oublie. Il est allé, pensa-t-il, où rédiger les idées de M. Vauquelin, où louer sa boutique. Nous connaissons la cause de ce déménagement, dit Célestin, en parlant au nom des deux autres commis et de Raguet, groupés derrière lui. Nous serait-il permis de féliciter monsieur sur un honneur qui rejaillit sur toute la boutique? Popinot nous a dit que monsieur... Eh bien, mes enfants, que voulez-vous? On m'a décoré. Aussi, non seulement à cause de la délivrance du territoire, mais encore fêter ma promotion dans la Légion d'honneur. Réunissons-nous, nos amis. Je me suis peut-être rendu digne de cette insigne et royale faveur en siégeant au tribunal consulaire et en combattant pour la cause royale que j'ai défendue. À votre âge, sur les marches de Saint-Roch, aux 13 ans des Mières, et ma foi, Napoléon, dit l'empereur, m'a blessé. J'ai été blessé à la cuisse encore, et Madame Ragon m'a pansé. Ayez du courage, vous serez récompensé. Voilà, mes enfants, comme un malheur n'est jamais perdu. On ne se battra plus dans les rues, dit Célestin. Il faut l'espérer, dit César, qui partit de là pour faire une mercuriale à ses commis, et il la termina par une invitation. La perspective d'un bal anima les trois commis, Raguet et Virginie, d'une ardeur qui leur donna la dextérité des équilibristes. Tous allaient et venaient chargés par les escaliers sans rien casser ni rien renverser. À 2 heures du matin, le déménagement était opéré. César et sa femme couchèrent au second étage. La chambre de Popinot devint celle de Célestin et du second commis. Le troisième étage fut un garde-meuble provisoire. Possédé de cette magnétique ardeur que produit l'influence du fluide nerveux et qui fait du diaphragme un brasier chez les gens ambitieux ou amoureux agités par de grands desseins, Popinot, si doux et si tranquille, avait piaffé comme un cheval de race avant la course, dans la boutique au sortir de table. « Qu'as-tu donc ?» lui dit Célestin. « Quelle journée, mon cher ! Je m'établis, lui dit-il à l'oreille. Et Monsieur César est décoré. « Vous êtes bien heureux, le patron vous aide !» s'écria Célestin. Popinot ne répondit pas et disparut, poussé comme par un vent furieux, le vent du succès. « Oh, heureux !» dit à son voisin, qui vérifiait des étiquettes, un commis occupé à mettre des gants par douzaine. Le patron s'est aperçu des yeux que Popinot fait à Mademoiselle Césarine, et comme il est très fin, le patron, il se débarrasse d'Anselme. Il serait difficile de le refuser, en rapport à ses parents. Célestin prend cette rouerie pour la générosité. Anselme Popinot descendait la rue Saint-Honoré et courait rue des Deux Écus, pour s'emparer d'un jeune homme que sa seconde vue commerciale lui désignait comme le principal instrument de sa fortune. Le juge Popinot avait rendu service au plus habile commis voyageur de Paris, à celui que sa triomphante loquel et son activité firent plus tard surnommer l'illustre. Voué spécialement à la chapellerie et à l'article Paris, ce roi des voyageurs se nommait encore purement et simplement Gaudissart. À 22 ans, il se signalait déjà par la puissance de son magnétisme commercial. Alors fluet, l'œil joyeux, le visage expressif, une mémoire infatigable, le coup d'œil habile à saisir les goûts de chacun, il méritait d'être ce qu'il fut depuis, le roi des commis voyageurs, le français par excellence. Quelques jours auparavant, Popinot avait rencontré Gaudissart qui s'était dit sur le point de partir. L'espoir de le trouver encore à Paris venait donc de lancer l'amoureux sur la rue des Deux Écus, où il apprit que le voyageur avait retenu sa place aux messageries. Pour faire ses adieux à sa chère capitale, Gaudissart était allé voir une pièce nouvelle au Vaudeville. Popinot résolut de l'attendre. Confier le placement de l'huile de noisette à ce précieux metteur en œuvre des inventions marchandes, déjà choyées par les plus riches maisons, n'était-ce pas tirer une lettre de change sur la fortune? Popinot possédait Gaudissart. Le commis voyageur, si savant dans l'art d'entortiller les gens les plus rebelles, les petits marchands de province, s'était laissé entortiller dans la première conspiration tramée contre les Bourbons après les Cent-Jours. Gaudissart, à qui le grand air était indispensable, se vit en prison sous le poids d'une accusation capitale. Le juge Popinot, chargé de l'instruction, avait mis Gaudissart hors de cause en reconnaissant que son imprudente sottise l'avait seul compromis dans cette affaire. Avec un juge désireux de plaire au pouvoir, ou d'un royalisme exalté, le malheureux commis allait à l'échafaud. Gaudissart, qui croyait devoir la vie au juge d'instruction, nourrissait d'un profond désespoir de ne pouvoir porter à son sauveur qu'une stérile reconnaissance. Ne devant pas remercier un juge d'avoir rendu la justice, il était allé chez les Ragon se déclarer homme lige des Popinot. En attendant, Popinot alla naturellement revoir sa boutique de la rue des Cinq Diamants, demander l'adresse du propriétaire afin de traiter du bail. En errant dans le dédale obscur de la grande halle et pensant aux moyens d'organiser un rapide succès, Popinot saisit rue Aubry-le-Boucher une occasion unique et de bon augure avec laquelle il comptait régaler César le lendemain. En faction la porte de l'hôtel du commerce, au bout de la rue des Deux Écus, vers minuit, Popinot entendit dans le lointain de la rue de Grenelle un vaudeville final chanté par Gaudissart avec accompagnement de cannes significativement traînées sur les pavés. « Monsieur, » dit Anselme en débouchant de la porte et se montrant soudain, « deux mots. « Onze, si vous voulez, » dit le commis voyageur, en levant sa canne plombée sur l'agresseur. « Je suis Popinot, » dit le pauvre Anselme. « Suffit, » dit Gaudissart en le reconnaissant. « Que vous faut-il? De l'argent? Absent par congé, mais on en trouvera. Mon bras pour un duel? Tout à vous. Des pieds à l'occiput. » Et il chanta. « Voilà, voilà, le vrai soldat français. Venez causer avec moi 10 minutes, non pas dans votre chambre, on pourrait nous écouter, mais sur le quai de l'horloge. À 7 heures, il n'y a personne, » dit Popinot. « Il s'agit de quelque chose de plus important. » « Ça chauffe donc. Marchons. » En 10 minutes, Gaudissart, maître des secrets de Popinot, en avait reconnu l'importance. « Paraissez, parfumeurs, coiffeurs et débitants !» s'écria Gaudissart en singeant Lafond dans le rôle du Cid. « Je vais empaumer tous les boutiquiers de France et de Navarre. Oh, une idée. J'allais partir. Je reste. Et vais prendre les commissions de la parfumerie parisienne. Et pourquoi ? Pour étrangler vos rivaux innocents. » En ayant leur commission, je puis faire boire de l'huile à leur perfide cosmétique, en ne parlant et ne m'occupant que de la vôtre. Un fameux tour de voyageurs. Ah ah, nous sommes les diplomates du commerce. Fameux. Quant à votre prospectus, je m'en charge. J'ai pour ami d'enfance Andoche Finot, le fils du chapelier de la rue du Coq, le vieux qui m'a lancé dans le voyage pour la chapellerie. Andoche qui a beaucoup d'esprit. Ah, pris celui de toutes les têtes que coiffait son père. Et il est dans la littérature. Il fait les petits théâtres au courrier des spectacles. Son père, vieux chien plein de raisons pour ne pas aimer l'esprit, ne croit pas à l'esprit. Impossible de lui prouver que l'esprit se vend, qu'on fait fortune dans l'esprit. En fait d'esprit, il ne connaît que le 3-6. Le vieux Finot prend le petit Finot par famine. Andoche, homme capable, mon ami d'ailleurs, et je ne ferai avec les sous que commercialement. Finot fait des devises pour le fidèle berger qui paye, tandis que les journaux où il se donne un mal de galérien le nourrissent de couleuvres. Sont-ils jaloux dans cette partie-là? C'est comme dans l'article Paris. Finot avait une superbe comédie en un acte pour Mademoiselle Mars, la plus fameuse des fameuses. Ah, voilà une que j'aime. Eh bien, pour se voir jouer, il a été forcé de la porter à la gaieté. Andoche connaît le prospectus. Il entre dans les idées du marchand. Il n'est pas fier. Il limousinera notre prospectus gratis. Mon Dieu, avec un bol de punch et des gâteaux, on le régalera, car Popinot... Pas de farce. Je voyagerai sans commission, ni frais. Vos concurrents paieront. Je les dindonnerai. Entendons-nous bien. Pour moi, ce succès est une affaire d'honneur. Ma récompense est d'être garçon de noces à votre mariage. J'irai en Italie, en Allemagne, en Angleterre. J'emporte avec moi des affiches en toutes les langues. Les fais apposer partout, dans les villages, à la porte des églises, à tous les bons endroits que je connais dans les villes de province. Elle brillera, elle s'allumera cette huile, elle sera sur toutes les têtes. Ah, votre mariage ne sera pas un mariage en détrempe, mais un mariage à la Barigoule. Vous aurez votre Césarine, ou je ne m'appellerai pas l'illustre. Nom que m'a donné le père Finot pour avoir fait réussir ses chapeaux gris. En vendant votre huile, je reste dans ma partie. La tête humaine, l'huile, le chapeau sont connus pour conserver la chevelure publique. Popinot revint chez sa tante, où il devait aller coucher, dans une telle fièvre causée par sa prévision du succès que les rues lui semblaient être des ruisseaux d'huile. Il dormit peu, rêva que ses cheveux poussaient follement et vit deux anges qui lui déroulaient, comme dans les mélodrames, une rubrique où était écrit « Huile césarine ». Il se réveilla, se souvenant de ce rêve, et il résolut de nommer ainsi l'huile de noisette en considérant cette fantaisie du sommeil comme un ordre céleste. César et Popino furent dans leur atelier au faubourg du Temple bien avant l'arrivée des noisettes. En attendant les porteurs de Madame Madou, Popino raconta triomphalement son traité d'alliance avec Gaudissart. « Nous avons l'illustre Gaudissart, nous sommes millionnaires !» s'écria le parfumeur en tendant la main à son caissier de l'air que dut prendre Louis XIV en accueillant le maréchal de Villars au retour de Denain. « Nous avons bien autre chose encore, » dit l'heureux commis, en sortant de sa poche une bouteille à forme écrasée en façon de citrouille et à côte. « J'ai trouvé 10 000 flacons semblables à ce modèle, tout fabriqué, tout prêt à 4 sous et 6 mois de terme. »« En selle, » dit Birotteau, contemplant la forme mirifique du flacon. Hier, il prit un ton grave. « Dans les Tuileries ?»« Oui, pas plus tard qu'hier. Tu disais, je réussirai. » Moi, je dis aujourd'hui, tu réussiras. 4 sous, 6 mois de terme, une forme originale. Macassar branle dans le manche. Quelle botte portée à l'huile de Macassar. Ai-je bien fait de m'emparer des seules noisettes qui soient à Paris? Où donc as-tu trouvé ces flacons? J'attendais l'heure de parler à Gaudissart et je flânais. Comme moi jadis, s'écria Birotteau. En descendant la rue Aubry-le-Boucher, j'aperçois chez un verrier, en gros, un marchand de verre bombés et de cages, qui a des magasins immenses. J'aperçois ce flacon. Ah, il m'a crevé les yeux, comme une lumière subite. Une voix m'a crié. « Voilà ton affaire. »« Né commerçant, il aura ma fille, » dit César en grommelant. J'entre et je vois des milliers de ces flacons dans les caisses. « Tu t'en informes ?»« Vous ne me croyez pas. » « Signol !» s'écria douloureusement Anselme. « Né commerçant !» répéta Birotteau. « Je demande des cages à mes petits Jésus de cire. Tout en marchant dans les cages, je blâme la forme de ces flacons. Conduit à une confession générale, mon marchand avoue de fil en aiguille que Faille et Bouchot, qui ont manqué dernièrement, allaient entreprendre un cosmétique et voulaient des flacons de forme étrange. Il se méfiait d'eux et il exige moitié comptant. Faille et Bouchot, dans l'espoir de réussir, lâchent l'argent. La faillite éclate pendant la fabrication. Les syndics, sommés de payer, venaient de transiger avec lui en laissant les flacons et l'argent touché comme indemnité d'une fabrication prétendue ridicule et sans placement possible. Les flacons coûtent 8 sous. Il serait heureux de les donner à 4. Dieu sait combien de temps il aurait en magasin une forme qui n'est pas de vente. « Voulez-vous vous engager à en fournir par 10 000 à 4 sous ?»« Et puis vous débarrasser de vos flacons. Je suis commis chez M. Birotteau, et je l'entame, et je le mène, et je domine mon homme, et je le chauffe, et il est à nous. »« 4 sous, » dit Birotteau. « Sais-tu que nous pouvons mettre l'huile à 3 francs et gagner 30 sous en en laissant 20 à nos détaillants ?»« L'huile césarienne !» cria Popino. « L'huile césarienne ? Ah, monsieur l'amoureux, vous voulez flatter le père et la fille ?» « Eh bien, soit, va pour l'huile césarienne. Les Césars avaient le monde, ils devaient avoir de fameux cheveux. »« César était chaud, » dit Popino. « Parce qu'il ne s'est pas servi de notre huile, on le dira. »« 3 francs, l'huile césarienne. L'huile de Macassar coûte le double. » »« Gaudissart est là. Nous aurons 100 000 francs dans l'année, car nous imposons toutes les têtes qui se respectent de 12 flacons par an. 18 francs, soit 18 000 têtes. » 180 000 francs. Nous sommes millionnaires. Les noisettes livrées, Raguet, les ouvriers, Popinot, César, en épluchèrent une quantité suffisante et il y eut avant 4 heures quelques livres d'huile. Popinot alla présenter le produit à Vauquelin, qui fit présent à Popinot une formule pour mêler l'essence de noisette à des corps oléagineux moins chers et la parfumer. Popino se mit aussitôt en instance pour obtenir un brevet d'invention et de perfectionnement. Le dévoué Gaudissart prêta l'argent pour le droit fiscal à Popino, qui avait l'ambition de payer sa moitié dans les frais d'établissement. La prospérité porta avec elle une ivresse à laquelle les hommes inférieurs ne résistent jamais. Cette exaltation eut un résultat facile à prévoir. Grain d'auvin, Il présenta le croquis colorié d'une délicieuse vue intérieure du futur appartement orné de ses meubles. Birotteau, séduit, consentit à tout. Aussitôt, les maçons donnèrent les coups de pic qui firent gémir la maison et Constance. Son peintre en bâtiment, M. Lourdois, un fort riche entrepreneur qui s'engageait à ne rien négliger, parlait de dorure pour le salon. En entendant ce mot, Constance intervint. « Monsieur Lourdois, dit-elle, vous avez 30 000 livres de rente. Vous habitez une maison à vous. Vous pouvez y faire ce que vous voulez. Mais nous autres, madame, le commerce doit briller et ne pas se laisser écraser par l'aristocratie. Voilà d'ailleurs M. Birotteau dans le gouvernement. Il est en évidence. » « Oui, mais il est encore en boutique, dit Constance, devant ses commis et les 5 personnes qui l'écoutaient. Ni moi, ni lui, ni ses amis, ni ses ennemis ne l'oublieront. » Birotteau se souleva sur la pointe des pieds, retombant sur ses talons à plusieurs reprises, les mains croisées derrière lui. « Ma femme a raison, dit-il. Nous serons modestes dans la prospérité. D'ailleurs, tant qu'un homme est dans le commerce, il doit être sage en ses dépenses, réservé dans son luxe. La loi lui en fait une obligation. Il ne doit pas se livrer à des dépenses excessives. Si l'agrandissement de mon local et sa décoration dépassaient les bornes, il serait imprudent à moi de les excéder. Vous-même, vous me le blâmeriez, Lourdois. Le quartier a les yeux sur moi. Les gens qui réussissent sont des jaloux, des envieux. Ah, vous saurez cela bientôt, jeune homme, dit-il à Grindeau. S'ils vous calomnient, ne leur donnez pas au moins lieu de le médire. « Ni la calomnie ni la médisance ne peuvent vous atteindre, dit Lourdois. Vous êtes dans une position en ligne et vous avez une si grande habitude du commerce que vous savez raisonner vos entreprises. Vous êtes un malin. C'est vrai, j'ai quelques expériences des affaires. Vous savez pourquoi notre agrandissement? Si je mets un fort dédit relativement à l'exactitude, c'est que non. Eh bien, ma femme et moi, nous réunissons quelques amis autant pour célébrer la délivrance du territoire que pour fêter ma promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Comment, dit Lourdois, ils vous ont donné la croix? Oui, peut-être me suis-je rendu digne de cette insigne et royale faveur, en siégeant au tribunal consulaire et en combattant pour la cause royale au 13 Vendémiaire, à Saint-Roch, où je fus blessé par Napoléon. Venez avec votre femme et votre demoiselle. « Enchanté de l'honneur que vous me daignez faire, » dit le libéral Lourdois. « Mais vous êtes un farceur, papa Birotteau. Vous les assurez que je ne vous manquerai pas de parole, et voilà pourquoi vous m'invitez. Eh bien, je prendrai mes plus habiles ouvriers. Nous ferons un feu d'enfer pour sécher les peintures. Nous avons des procédés dessiccatifs, car il ne faut pas danser dans un brouillard exhalé par le plâtre. On vernira pour ôter toute odeur. » 3 jours après, le commerce du quartier était en émoi par l'annonce du bal que préparait Birotteau. Chacun pouvait d'ailleurs voir les étés extérieurs nécessités par le changement rapide de l'escalier, les tuyaux carrés en bois par où tombaient les décombres dans des tombereaux qui stationnaient. Les ouvriers pressés qui travaillaient au flambeau, car il y eut des ouvriers de jour et des ouvriers de nuit, faisaient arrêter les oisifs, les curieux dans la rue, et les commérages s'appuyaient sur ces préparatifs pour annoncer d'énormes somptuosités. Le dimanche indiqué pour la conclusion de l'affaire, M. et Mme Ragon, l'oncle Pierrot, vinrent sur les 4 heures après vêpres. Vu les démolitions, disait César, il ne put inviter ce jour-là que Charles Claparon, Crottat et Roguin. Le notaire apporta le journal des débats où M. de la Billardière avait fait insérer l'article suivant. Nous apprenons que la délivrance du territoire sera fêtée avec enthousiasme dans toute la France, mais à Paris, les membres du corps municipal ont senti que le moment était venu de rendre à la capitale cette splendeur qui, par un sentiment de convenance, avait cessé pendant l'occupation étrangère. Chacun des maires et des adjoints se propose de donner un bal. L'hiver promet donc d'être très brillant. Ce mouvement national sera suivi. Parmi toutes les fêtes qui se préparent, il est beaucoup question du bal de M. Birotteau, nommé chevalier de la Légion d'honneur et si connu par son dévouement à la cause royale. M. Birotteau, blessé à l'affaire de Saint-Roch, au 13 Vendémiaire, et l'un des juges consulaires les plus estimés, a doublement mérité cette faveur. « Comme on écrit bien aujourd'hui, s'écria César. L'on parle de nous dans le journal, dit-il à Pierrot. Eh bien, après, lui répondit son oncle, à qui le journal des débats était particulièrement antipathique. Cet article nous fera peut-être vendre de la pâte des sultanes et de l'eau carminative, dit tout bas Madame César à Madame Ragon, sans partager l'ivresse de son mari. Madame Ragon, grande femme sèche et ridée, au nez pincé, aux lèvres minces, avait un faux air d'une marquise de l'ancienne cour. Le tour de ses yeux était attendri sur une assez grande circonférence, comme ceux des vieilles femmes qui ont éprouvé des chagrins. Sa contenance sévère et digne, quoique affable, imprimait le respect. Elle avait d'ailleurs en elle ce je ne sais quoi d'étrange, qui saisit sans exciter le rire, et que sa mise, ses façons t'expliquaient. Elle portait des mitaines, elle marchait en tout temps avec une ombrelle à canne, semblable à celle dont se servait la reine Marie-Antoinette à Trianon. Sa robe, dont la couleur favorite était ce brun pâle, nommé feuille morte, s'étalait aux hanches par des prises inimitables, et dont les douairières d'autrefois ont emporté le secret. Elle conservait la mantille noire, garnie de dentelles noires à grandes mailles carrées. Ses bonnets, de forme antique, avaient des agréments qui rappelaient les déchiquetures des vieux cadres sculptés à jour. Elle prenait du tabac avec cette exquise propreté, et en faisant ces gestes dont peuvent se souvenir les jeunes gens qui ont eu le bonheur de voir leur grand-mère et leur grand-mère remettre solennellement des boîtes d'or auprès d'elle sur une table, en secouant les grains de tabac égarés sur le sieur Ragon était un petit homme de 5 pieds au plus, et à figure de casse-noisette, où l'on ne voyait que des yeux, 2 pommettes aiguës, un nez et un menton. Sans dents, mangeant la moitié de ses mots, d'une conversation pluviale, galant, prétentieux, et souriant toujours du sourire qu'il prenait pour recevoir les belles dames que différents hasards amenaient jadis à la porte de sa boutique. La poudre dessinait sur son crâne une neigeuse demi-lune bien ratissée, flanquée de 2 ailerons que séparait une petite queue serrée par un ruban. Il portait l'habit bleu barbeau, le gilet blanc, la culotte et les bas de soie, des souliers à boucles d'or, des gants de soie noire. Le trait le plus saillant de son caractère était d'aller par les rues, tenant son chapeau à la main. Il avait l'air d'un messager de la chambre des pairs, d'un huissier du cabinet du roi, d'un de ces gens qui sont placés auprès d'un pouvoir quelconque, de manière à recevoir son reflet tout en restant fort peu de choses. Eh bien, Birotteau, dit-il d'un air magistral, te repens-tu, mon garçon, de nous avoir écoutés dans ce temps-là? Avons-nous jamais douté de la reconnaissance de nos bien-aimés souverains? Vous devez être bien heureuse, ma chère petite, dit Madame Ragon à Madame Birotteau. « Mais oui, répondit la belle parfumeuse, toujours sous le charme de cette ombrelle à canne, de ses bonnets à papillons, des manches justes et du grand fichu à la Julie que portait Madame Ragon. « Césarine est charmante. Venez ici, la belle enfant, dit Madame Ragon de sa voix de tête et d'un air protecteur. « Ferons-nous les affaires avant le dîner ?» dit l'oncle Biro. Nous attendons M. Claparon, dit Roguin. Je l'ai laissé s'habillant. Monsieur Roguin, dit César, vous l'avez bien prévenu que nous dînions dans un méchant petit entresol. Il le trouvait superbe, il a 16 ans, dit Constance en murmurant. Au milieu des décombres et parmi les ouvriers. Bah, vous allez voir un bon enfant qui n'est pas difficile, dit Roguin. J'ai mis Raguet en faction dans la boutique, on ne passe plus par notre porte. Vous avez vu tout démoli, dit César au notaire. « Pourquoi n'avez-vous pas amené votre neveu ?» dit Pierrot à Madame Ragon. « Le verrons-nous ? » demanda Césarine. « Non, mon cœur, » dit Madame Ragon. « Anselme travaille, le cher enfant, à se tuer. Cette rue sans air et sans soleil, cette puante rue de 5 diamants m'effraie. Le ruisseau est toujours bleu, vert ou noir. J'ai peur qu'il y périsse. »« Mais quand les jeunes gens ont quelque chose en tête, » dit-elle à Césarine en faisant un geste, qui expliquait le mot tête par le mot cœur. Il a donc passé son bail, demanda César. D'hier et par devant notaire, reprit Ragon. Et il a obtenu 18 ans, mais on exige 6 mois d'avance. Eh bien, monsieur Ragon, êtes-vous content de moi? Et fit le parfumeur. Je lui ai donné le secret d'une découverte, enfin. Mais nous vous savons par cœur, César, dit le petit Ragon en prenant les mains de César et en les lui pressant avec une religieuse amitié. Roguin n'était pas sans inquiétude sur l'entrée en scène de Claparon, dont les mœurs et le ton pouvaient effrayer de vertueux bourgeois, et il jugea donc nécessaire de préparer les esprits. Vous allez voir, dit-il à Ragon, à Pierrot et aux dames, un original qui cache ses moyens sous un mauvais ton effrayant, car d'une position très inférieure, il s'est fait jour par ses idées. Il prendra sans doute les belles manières à force de voir les banquiers. Vous le rencontrerez peut-être sur le boulevard ou dans un café, godaillant, débraillé, jouant au billard. Et il a l'air du plus grand Flandrin. Eh bien non, il étudie et pense alors à remuer l'industrie par de nouvelles conceptions. Je comprends cela, dit Birotteau. J'ai trouvé mes meilleures idées en flânant, n'est-ce pas ma biche ? Caparon, reprit Roguin, regagne alors pendant la nuit le temps employé à chercher, à combiner les affaires pendant le jour. Tous ces gens à grand talent ont une vie bizarre, inexplicable. Eh bien, à travers ce décousu, j'en suis témoin, il arrive à son but. Il a fini par faire céder tous nos propriétaires. Il ne voulait pas. Il se doutait de quelque chose. Il les a mystifiés. Il les a lassés. Il est allé les voir tous les jours. Et nous sommes, pour le coup, les maîtres du terrain. Un singulier broum-broum, particulier aux buveurs de petits verres d'eau-de-vie et de liqueurs fortes, annonça le personnage le plus bizarre de cette histoire et l'arbitre visible des destinées futures de César. Le parfumeur se précipita dans le petit escalier obscur, autant pour dire à Raguet de fermer la boutique que pour faire à Claparon ses excuses de le recevoir dans la salle à manger. « Comment donc ? Mais on est très bien là pour chiquer les legs, pour chiffrer, veux-je dire, les affaires. Malgré les habiles préparations de Roguin, monsieur et madame Ragon, ces bourgeois de bon ton, l'observateur Pierrot, Césarine et sa mère furent d'abord assez désagréablement affectés par ce prétendu banquier de la haute volée. À l'âge de 28 ans environ, cet ancien commis voyageur ne possédait pas un cheveu sur la tête et portait une perruque frisée en tire-bouchon. Cette coiffure exige une fraîcheur de vierge, une transparence lactée, les plus charmantes grâces féminines. Elle faisait donc ressortir, ignoblement, un visage bourgeonné, brun-rouge, échauffé comme celui d'un conducteur de diligence, et dont les rides, prématurées, exprimaient par les grimaces de leurs plis profonds et plaqués, une vie libertine dont les malheurs étaient encore attestés par le mauvais état des dents et les points noirs semés dans une peau rugueuse. Claparon avait l'air d'un comédien de province qui sait tous les rôles, fait la parade, sur la joue duquel le rouge ne tient plus, éreinté par ses fatigues, les lèvres pâteuses, la langue toujours alerte, même pendant l'ivresse, le regard sans pudeur, enfin compromettant par ses gestes. Cette figure allumée par la joyeuse flamberie du punch démentait la gravité des affaires. Aussi fallut-il à Claparon de longues études mimiques avant de parvenir à se composer un maintien en harmonie avec son importance postiche. Du Tillet avait assisté à la toilette de Claparon comme un directeur de spectacle inquiet du début de son principal acteur, car il tremblait que les habitudes grossières de cette vie insoucieuse ne vinssent à éclater à la surface du banquier. « Parle le moins possible, lui avait-il dit. Jamais un banquier ne bavarde. Il agit, pense, médite, écoute et pèse. Ainsi, pour avoir bien l'air de manquer, ne dis rien ou dis des choses insignifiantes. Éteins ton œil égrillard et rends-le grave, au risque de le rendre bête. En politique, sois pour le gouvernement et jette-toi dans les généralités comme le budget est lourd. Il n'y a pas de transaction possible entre les partis. Les libéraux sont dangereux. Les bourbons doivent éviter tout conflit. Le libéralisme est le manteau d'intérêt coalisé. Les bourbons nous ménagent une ère de prospérité. Soutenons-les si nous ne les aimons pas. La France a fait assez d'expériences politiques, etc. Ne te vautre pas sur toutes tes tables. Songe que tu as à conserver la dignité d'un millionnaire. Ne renifle pas ton tabac comme fait un invalide. Joue avec ta tabatière. Regarde souvent à tes pieds ou au plafond avant de répondre. Enfin, donne-toi l'air profond. Surtout, défais-toi de ta malheureuse habitude de toucher à tout. Dans le monde, un banquier doit paraître las de toucher. Ah ça, tu passes les nuits, les chiffres te rendent brut. Il faut rassembler tant d'éléments pour lancer une affaire. Tant d'études. Surtout, dis beaucoup de mal des affaires. Les affaires sont lourdes, pesantes, difficiles, épineuses. Ne sors pas de là et ne spécifie rien. Ne va pas à table chanter les farces de Béranger. Et ne bois pas trop. Si tu te grises, tu perds ton avenir. Roquin te surveillera. Tu vas te trouver avec des gens moraux, des bourgeois vertueux. Ne les effraie pas en lâchant quelques-uns de tes principes déstaminés. Cette mercuriale avait produit sur l'esprit de Charles Claparon un effet pareil à celui que produisaient sur sa personne ses habits neufs. Ce joyeux sans souci, l'ami de tout le monde, habitué à des vêtements débraillés et dans lesquels son corps n'était pas plus gêné que son esprit dans son langage, maintenu dans des habits neufs que le tailleur avait fait attendre et qu'il essayait, roide comme un piqué, inquiet de ses mouvements comme de ses phrases, retirant sa main prudemment avancée sur un flacon ou sur une boîte, de même qu'il s'arrêtait au milieu d'une phrase, se signala donc par un désaccord risible à l'observation de Pierrot. Sa figure rouge, sa perruque à tire-bouchon et grillard démentaient sa tenue, comme ses pensées combattaient ses dires. Mais les bons bourgeois finirent par prendre ces continuelles dissonances pour de la préoccupation. « Il a tant d'affaires, » disait Roguin. « Les affaires lui donnent peu d'éducation, » dit Madame Ragon à Césarine. M. Roguin entendit le mot et se mit un doigt sur les lèvres. « Il est riche, habile et d'une excessive probité, » dit-il en se baissant vers Madame Ragon. « On peut lui passer quelque chose en faveur de ses qualités-là, » dit Pierrot à Ragon. « Lisons les actes avant le dîner, » dit Roguin. « Nous sommes seuls. » Madame Ragon, Césarine et Constance laissèrent les contractants. Pierrot, Ragon, César, Roguin et Claparon. Écoutez la lecture que fit Alexandre Crottat. César signa, au profit d'un client de Roguin, une obligation de 40 000 francs, hypothéquée sur les terrains et les fabriques situées dans le faubourg du Temple. Il remit à Roguin le bon de Pierrot sur la banque, donna sans reçu les 20 000 francs d'effet de son portefeuille et les 140 000 francs de billets à l'ordre de Claparon. « Je n'ai point de reçu à vous donner, » dit Claparon. « Vous agissez de votre côté chez M. Roguin comme nous du nôtre. Nos vendeurs recevront chez lui leur prix en argent. Je ne m'engage pas à autre chose qu'à vous faire trouver le complément de votre part avec vos 140 000 francs d'effet. » « C'est juste, » dit Pierrot. « Eh bien, messieurs, rappelons les dames, car il fait froid sans elles, » dit Claparon en regardant Roguin, comme pour savoir si la plaisanterie n'était pas trop forte. « Mesdames, oh, mademoiselle, et sans doute votre demoiselle, » dit Claparon en se tenant droit et regardant Birotteau. « Eh bien, vous n'êtes pas maladroit. Aucune des roses que vous avez distillées ne peut lui être comparée. Et peut-être est-ce parce que vous avez distillé des roses que... » « Ma foi, » dit Roguin en interrompant, « j'avoue ma faim. » « Eh bien, dis donc, » dit Birotteau. « Nous allons dîner par devant notaire, » dit Claparon en se rengorgeant. « Vous faites beaucoup d'affaires, » dit Pierrot en se mettant à table auprès de Claparon avec attention. « Excessivement, pas grosses, » répondit le banquier, « mais elles sont lourdes, épineuses. Et il y a les canaux. »« Oh, les canaux, vous ne vous figurez pas combien les canaux nous occupent. » Et cela se comprend. Le gouvernement veut des canaux. Le canal est un besoin qui se fait généralement sentir dans les départements et qui concerne tous les commerces. Vous savez, les fleuves, a dit Pascal, sont des chemins qui marchent. Il faut donc des marchés. Les marchés dépendent de la terrasse, car il y a d'effroyables terrassements. Le terrassement regarde la classe pauvre. De là, les emprunts qui, en définitive, sont rendus aux pauvres. Voltaire a dit « canaux, canards, canailles ». Mais le gouvernement a ses ingénieurs qui l'éclairent. Il est difficile de le mettre dedans, à moins de s'entendre avec eux. Car la chambre... Oh, monsieur, la chambre nous donne du mal. Elle ne veut pas comprendre la question politique cachée sous la question financière. Et il y a mauvaise foi de part et d'autre. Croirez-vous une chose? Les Keller. Eh bien, François Keller est un orateur. Il attaque le gouvernement à propos de fonds, à propos de canaux. Rentrez chez lui, mon gaillard, nous trouve avec nos propositions. Elles sont favorables. Et il faut s'arranger avec ce gouvernement, dito. Tout à l'heure, insolemment attaqué. L'intérêt de l'orateur et ceux du banquier se choquent. Nous sommes entre deux feux. Vous comprenez maintenant comment les affaires deviennent épineuses. Il faut satisfaire tant de monde. Les commis, les chambres, les antichambres, les ministres. Les ministres, dit Pierrot, qui voulait absolument pénétrer ce co-associé. Oui, monsieur, les ministres. Eh bien, les journaux ont donc raison, dit Pierrot. Voilà mon oncle dans la politique, dit Birotteau. Monsieur Claparon lui fait bouillir du lait. « Encore de satanés farceurs, » dit Claparon, « que ces journaux. »« Monsieur, les journaux nous embrouillent tout. Ils nous servent bien quelquefois, mais ils me font passer de cruelles nuits. J'aimerais mieux les passer autrement, enfin. J'ai les yeux perdus à force de lire et de calculer. »« Revenons au ministre, » dit Pierrot, espérant des révélations. Les ministres ont des exigences purement gouvernementales. Mais qu'est-ce que je mange là? De l'ambroisie? Dit Claparon en s'interrompant. Voilà de ces sauces qu'on ne mange que dans les maisons bourgeoises, jamais les gargotiers. À ce mot, les fleurs du bouquet de Madame Ragon sautèrent comme des béliers. Claparon comprit que le mot était ignoble et voulut se rattraper. Dans la haute banque, dit-il, on appelle gargotiers les chefs de cabaret élégants, Véry, les frères provençaux. Eh bien, ni ces infâmes gargotiers, ni nos savants cuisiniers ne doutent de sauces moelleuses. Les uns font de l'eau, claire, acidulée par le citron, les autres font de la chimie. Le dîner se passa tout entier en attaque de Pierrot qui cherchait à sonder cet homme et qui ne rencontrait que le vide. Il regarda comme un homme dangereux. « Tout va bien, » dit Roguin à l'oreille de Charles Claparon. « Ah, je me déshabillerai sans doute ce soir, » répondit Claparon qui étouffait. « Monsieur, » lui dit Birotteau, « si nous sommes obligés de faire de la salle à manger le salon, c'est que nous réunissons dans 18 jours quelques amis, autant pour célébrer la délivrance du territoire. Bien, monsieur, moi, je suis aussi l'homme du gouvernement. J'appartiens par mes opinions au statu quo du grand homme qui dirige les destinées de la maison d'Autriche. Un fameux gaillard. Conserver pour acquérir et surtout acquérir pour conserver. Voilà le fond de mes opinions, qui ont l'honneur d'être celles du prince de Metternich. Que pour fêter ma promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur, précisément. Mais oui, je sais. Qui donc m'a parlé de cela? Les Keller ou Nucingen? Roguin, surpris de tant d'aplomb, fit un geste admiratif. Eh non, c'est à la chambre. À la chambre? Par monsieur de la Billardière? Demanda César. Précisément. Il est charmant, dit César à son oncle. Il lâche des phrases, dit Pierrot, des phrases où l'on se noie. Peut-être me suis-je rendu digne de cette faveur, reprit Birotteau. Par vos travaux en parfumerie, les Bourbons savent récompenser tous les mérites. Ah, tenons-nous-en à ces généreux princes légitimes, à qui nous allons devoir des prospérités inouïes, car, croyez le bien, la Restauration sent qu'elle doit jouter avec l'Empire. Elle fera des conquêtes en pleine paix, vous verrez, des conquêtes. Monsieur nous fera sans doute l'honneur d'assister à notre bal, dit Madame César. Pour passer une soirée avec vous, madame, je manquerai à gagner des millions. Mais décidément bien bavard, dit César à son oncle, tandis que la gloire de la parfumerie, à son déclin, allait jeter ses derniers feux. Un astre se levait faiblement à l'horizon commercial. Le petit Popinot posait à cette heure même les fondements de sa fortune, rue des 5 Diamants. La rue des 5 Diamants, petite rue étroite, où les voitures chargées passent à grand-peine, donne rue des Lombards, d'un bout et de l'autre rue Aubry-le-Boucher. En face de la rue Quincampoix, rue illustre du vieux Paris, où l'histoire de France en a tant illustré. Malgré ce désavantage, la réunion des marchands de drogueries la rend précieuse, et sous ce rapport, Popinot n'avait pas mal choisi. Mais sa maison, la seconde du côté de la rue des Lombards, était si sombre que, par certaines journées, il y fallait de la lumière en plein jour. Il avait pris possession, la veille au soir, des lieux les plus noirs et les plus dégoûtants. Son prédécesseur, marchand de mélasse et de sucre brut, avait laissé les stigmates de son commerce sur les murs, dans la cour et dans les magasins. Figurez-vous une grande et spacieuse boutique à grosses portes ferrées, peintes en vert dragon, à longues bandes de fers apparentes, ornées de clous dont les têtes ressemblaient à des champignons, garnies de grilles treillissées en fil de fer enflé par en bas, comme celle des anciens boulangers, enfin dallées en grandes pierres blanches, la plupart cassées, les murs jaunes et nus comme ceux d'un corps de garde. Après venait une arrière-boutique et une cuisine, éclairée sur la cour. Enfin, un second magasin en retour qui, jadis, devait avoir été une écurie. On montait par un escalier intérieur pratiqué dans l'arrière-boutique, à deux chambres éclairées sur la rue, où Popinot comptait mettre sa caisse, son cabinet et ses livres. Au-dessus des magasins étaient trois chambres étroites, adossées au mur mitoyen, ayant vue sur la cour et où il se proposait de demeurer. Trois chambres délabrées, qui n'avaient d'autre aspect que celui de la cour irrégulière, sombre, entourée de murailles, où l'humidité par le temps le plus sec leur donnait l'air d'être fraîchement madigeonnée. Une cour entre les pavés de laquelle il se trouvait une crasse noire et puante, laissée par le séjour des mélasses et des sucres bruts. Une seule de ces chambres avait une cheminée. Tout était sans papier et carrelé en carreaux. Depuis le matin, Gaudissart et Popinot aidé par un ouvrier colleur que le commis voyageur avait déniché, tendaient eux-mêmes un papier à 15 sous dans cette horrible chambre peinte à la colle par l'ouvrier. Un lit de collégien à couchette de bois rouge, une mauvaise table de nuit, une commode antique, une table, deux fauteuils et 6 chaises, données par le juge Popineau à son neveu, composaient l'ameublement. Gaudissart avait mis sur la cheminée un trumeau garni d'une méchante glace achetée d'occasion. Vers 8 heures du soir, assis devant la cheminée, où brillait une falourde allumée, les deux amis allaient entamer le reste de leur déjeuner. Arrière, le gigot froid, ceci ne convient pas à une pendaison de crémaillère, cria Gaudissart. Mais, dit Popineau en faisant sonner dans son gousset les 20 francs qu'il gardait pour payer le prospectus, je, dit Gaudissart, en mettant une pièce de 40 francs sur son œil. Un coup de marteau retentit alors dans la cour, naturellement solitaire et sonore du dimanche, jour où les industriels se dissipent et abandonnent leur laboratoire. Voilà le fidèle de la rue de la Poterie. Moi, reprit Gaudissart, j'ai, et non pas je. En effet, un garçon, suivi de 2 marmitons, apporta dans 3 mannes un dîner orné de 6 bouteilles de vin choisies avec discernement. Mais comment ferons-nous pour manger tant de choses, dit Popineau. Et l'homme de lettres, s'écria Gaudissart. Finot connaît les pompes et les vanités. Il va venir, enfant naïf, muni d'un prospectus ébouriffant. Le mot est joli, hein. Les prospectus ont toujours soif. Il faut arroser les graines si l'on veut des fleurs. Allez, esclave, dit-il au marmiton, en se drapant. Voilà de l'or. Il leur donna 10 sous par un geste digne de Napoléon, son idole. Merci, monsieur Gaudissart, répondirent les marmitons, plus heureux de la plaisanterie que de l'argent. Toi, mon fils, dit-il au garçon, qui restait pour servir, il est une portière. Elle gît dans les profondeurs d'un antre où parfois elle cuisine. Comme jadis, nos cigares faisaient la lessive par pur délassement. Rends-toi près d'elle, implore sa candeur, intéresse-la, jeune homme, à la chaleur de ses plats. Dis-lui qu'elle sera bénie et surtout respectée, très respectée par Félix Gaudissart, fils de Jean-François Gaudissart, petit-fils des Gaudissart, ville prolétaire, fort ancien, ses aïeux. Marche et fais que tout soit bon, sinon je te flanque un ut majeur dans ton Saint-Luc. Un autre coup de marteau retentit. Voilà le spirituel endoche, dit Gaudissart. Un gros garçon assez joufflu, de taille moyenne, et qui, des pieds à la tête, ressemblait au fils d'un chapelier à traits ronds, où l'ardien s'était enseveli sous son air gourmé, se montra soudain. Sa vigueur, attristée comme celle d'un homme ennuyé de misère, prit une expression d'hilarité quand il vit la table mise et les bouteilles. Au cri de Gaudissart, son pâle œil bleu pétilla, sa grosse tête creusée par sa figure calmouque, alla de droite à gauche et il salua Popineau d'une manière étrange, sans servilité ni respect. Comme un homme qui ne se sent pas à sa place et ne fait aucune concession. Il commençait alors à reconnaître en lui-même qu'il ne possédait aucun talent littéraire. Il pensait à rester dans la littérature en exploiteur, à y monter sur l'épaule des gens spirituels, à y faire des affaires, au lieu d'y faire des œuvres mal payées. En ce moment, il avait épuisé l'humilité des démarches et l'humiliation des tentatives. Il allait, comme les gens de haute portée financière, se retourner et devenir impertinent par parti pris. Mais il lui fallait une première mise de fond. Gaudissart la lui avait montrée, a touché, dans la mise en scène de l'huile Popineau. Vous traiterez pour son compte avec les journaux, mais ne le roulez pas, autrement nous aurions un duel à mort. Donnez-lui en pour son argent. Popineau regarda l'auteur d'un air inquiet. Les gens vraiment commerciaux considèrent un auteur avec un sentiment où il entre de la terreur, de la compassion et de la curiosité. Quoique Popineau eût été bien élevé, les habitudes de ses parents, leurs idées, les soins bétifiants d'une boutique et d'une caisse avaient modifié son intelligence en la pliant aux us et coutumes de sa profession. Phénomène que l'on peut observer en remarquant les métamorphoses subies à 10 ans de distance par 100 camarades sortis à peu près semblables du collège ou de la pension. Andoche accepta ce saisissement comme une profonde admiration. « Eh bien, avant le dîner, coulons à fond le prospectus, nous pourrons boire sans arrière-pensée, dit Gaudissart. Après le dîner, on lit mal. La langue aussi digère. Monsieur, dit Popinot, un prospectus est souvent toute une fortune. Et souvent, dit Andoche, la fortune n'est qu'un prospectus. Ah, très joli, dit Gaudissart. Ce farceur d'Andoche a de l'esprit comme les 40. Comme 100, dit Popinot, stupéfait de cette idée. L'impatient Gaudissart prit le manuscrit et lut à haute voix et avec emphase. Huile céphalique. J'aimerais mieux l'huile césarienne, dit Popinot. Mon ami, dit Gaudissart, tu ne connais pas les gens de province. Il y a une opération chirurgicale qui porte ce nom-là, et ils sont si bêtes qu'ils croiraient en huile propre à faciliter les accouchements. Et de là, pour les ramener aux cheveux, il y aurait trop de tirage. Sans vouloir défendre mon mot, dit l'auteur, je vous ferai observer que huile céphalique veut dire huile pour la tête, et résume vos idées. Voyons, dit Popinot impatient. Voici le prospectus tel que le commerce le reçoit, par milliers, encore aujourd'hui. S'y joint une gravure représentant l'huile céphalique. Nul cosmétique ne peut faire croître les cheveux de même que nulle préparation chimique ne les teint sans danger pour le siège de l'intelligence. La science a déclaré récemment que les cheveux étaient une substance morte et que nul agent ne peut les empêcher de tomber ni de blanchir. Pour prévenir la xérasie et la calvitie, il suffit de préserver le bulbe, d'où ils sortent, de toute influence extérieure atmosphérique et de maintenir à la tête la chaleur qui lui est propre. L'huile céphalique, basée sur ces principes, établi par l'Académie des sciences, produit cet important résultat auquel se tenaient les anciens, les Romains, les Grecs et les nations du Nord, auxquelles la chevelure était précieuse. Des recherches savantes ont démontré que les nobles, qui se distinguaient autrefois à la longueur de leurs cheveux, n'employaient pas d'autres moyens. Seulement, leur procédé, habilement retrouvé par A. Popinot, inventeur de l'huile céphalique, avait été perdu. Conservé au lieu de chercher à provoquer une stimulation impossible ou nuisible sur le derme qui contient les bulbes, telle est donc la destination de l'huile céphalique. En effet, cette huile qui s'oppose à l'exfoliation des pellicules, qui exhale une odeur suave et qui, par les substances dont elle est composée, dans lesquelles entre comme principal élément l'essence de noisette, empêche toute action de l'air extérieur sur les têtes, prévient ainsi les rhumes, le coryza et toutes les affections douloureuses de l'encéphale en lui laissant sa température intérieure. De cette manière, les bulbes qui contiennent les liqueurs génératrices des cheveux ne sont jamais saisies ni par le froid ni par le chaud. La chevelure, ce produit magnifique à laquelle hommes et femmes attachent tant de prix, conserve alors, jusque dans l'âge avancé de la personne qui se sert de l'huile céphalique, ce brillant, cette finesse, ce lustre qui rendent si charmantes les têtes des enfants. La manière de s'en servir est jointe à chaque flacon et lui sert d'enveloppe. Manière de se servir de l'huile céphalique. Il est tout à fait inutile d'oindre les cheveux. Ce n'est pas seulement un préjugé ridicule, mais encore une habitude gênante, en ce sens que le cosmétique laisse partout sa trace. Il suffit, tous les matins, de tremper une petite éponge fine dans l'huile, de se faire écarter les cheveux avec le peigne, d'imbiber les cheveux à leurs racines, de réenrayer, de manière à ce que la peau reçoive une légère couche, après avoir préalablement nettoyé la tête avec la brosse et le peigne. Cette huile se vend par flacon, portant la signature de l'inventeur, pour empêcher toute contrefaçon, et du prix de 3 francs, chez A. Popinot, rue des 5 Diamants, quartier des Lombards, à Paris. On est prié d'écrire Franco. Nota. La maison A. Popinot tient également les huiles de la droguerie, comme Néroli, huile d'aspic, huile d'amande douce, huile de cacao, huile de café, de ricin et autres. Mon cher ami, dit l'illustre Gaudissart à Finot, c'est parfaitement écrit. Saperlotte, comme nous abordons la haute science, nous ne tortillons pas, nous allons droit au fait. Ah, je vous fais mes sincères compliments, voilà de la littérature utile. Le beau prospectus, dit Popinot enthousiasmé. Un prospectus dont le premier mot tue Macassar, dit Gaudissart, en se levant d'un air magistral pour prononcer les paroles suivantes qu'il scanda par des gestes parlementaires. On ne fait pas pousser les cheveux. On ne l'éteint pas sans danger. Ah ah, là est le succès. La science moderne est d'accord avec les habitudes des anciens. On peut s'entendre avec les vieux et avec les jeunes. Vous avez affaire à un vieillard. Ah ah, monsieur, les anciens, les Romains, avaient raison et ne sont pas aussi bêtes qu'on veut le faire croire. Vous traitez avec un jeune homme, mon cher garçon. Encore une découverte due au progrès des Lumières. Nous progressons. Que ne doit-on pas attendre la vapeur des télégraphes et autres? Cette huile est le résultat d'un rapport de M. Vauquelin. Si nous imprimions un passage du mémoire de M. Vauquelin à l'Académie des sciences, confirmant nos accessions, hein? Fameux! Allons, finaux, à table. Chiquons les légumes. Sablons le champagne au succès de notre jeune ami. J'ai pensé, dit l'auteur modestement, que l'époque du prospectus léger et badin était passée. Nous entrons dans la période de la science. Il faut un air doctoral, un ton d'autorité pour s'imposer au public. Nous chaufferons cette huile-là, les pieds me démangent et la langue aussi. J'ai les commissions de tous ceux qui font dans les cheveux. Aucun ne donne plus de 30%. Il faut lâcher 40% de remise. Je réponds de 100 000 bouteilles en 6 mois. J'attaquerai les pharmaciens, les épiciers, les coiffeurs. Et en leur donnant 40%, tous enfarineront leur public. Les trois jeunes gens mangeaient comme des lions, buvaient comme des Suisses et se grisaient du futur succès de l'huile céphalique. Cette huile porte à la tête, dit Finot en souriant. Gaudissart épuisa les différentes séries de calembours sur les mots huile, cheveux, tête, etc. Au milieu des rires homériques des trois amis, au dessert, malgré les toasts et les souhaits de bonheur réciproques, un coup de marteau retentit et fut entendu. C'est mon oncle! Il est capable de venir me voir, s'écria Popinot. Un oncle, dit Finot. Et nous n'avons pas de verre. L'oncle de mon ami Popinot est un juge d'instruction, dit Gaudissart à Finot. Il ne s'agit pas de le mystifier. Il m'a sauvé la vie. Ah, quand on s'est trouvé dans la passe où j'étais en face de l'échafaud, ou quick. Et adieu les cheveux, fit-il en imitant le fatal couteau par un geste. On se souvient du vertueux magistrat auquel on doit d'avoir conservé la rigole par où passe le vin de champagne. On s'en souvient ivre-mort. Vous ne savez pas, Finot, si vous n'aurez pas besoin de M. Popinot, saperlotte, il faut des saluts et des 6 à la livre encore. Le vertueux juge d'instruction demandait en effet son neveu à la portière. En reconnaissant la voix, Anselme descendit un chandelier à la main pour éclairer. « Je vous salue, messieurs, » dit le magistrat. L'illustre Gaudissart s'inclina profondément. Finot examina le juge d'un œil ivre et le trouva passablement ganache. « Il n'y a pas de luxe, » dit gravement le juge en regardant la chambre. « Mais, mon enfant, pour être quelque chose de grand, il faut savoir commencer par n'être rien. »« Quel homme profond !» dit Gaudissart à Finot. « Une pensée d'article, » dit le journaliste. « Ah, vous voilà, monsieur, » dit le juge en reconnaissant le commis voyageur. « Et que faites-vous ici ?»« Monsieur, je veux contribuer de tous mes petits moyens à la fortune de votre cher neveu. » Nous venons de méditer sur le prospectus de son huile, et vous voyez en monsieur l'auteur de ce prospectus qui nous paraît un des plus beaux morceaux de cette littérature de perruque. Le juge regarda Finot. Monsieur, dit Gaudissart, et monsieur Andoche Finot, un des jeunes hommes les plus distingués de la littérature, qui fait dans les journaux du gouvernement la haute politique et les petits théâtres, un ministre en chemin d'être auteur. Finot tirait Gaudissart par le pan de sa redingote. « Bien, mes enfants, » dit le juge, à qui ses paroles expliquèrent l'aspect de la table où se voyaient les restes d'un régal bien excusable. « Mon ami, » dit le juge à Popinot, « habille-toi. Nous irons ce soir chez M. Birotteau. Je lui dois une visite. Vous signerez votre acte de société, que j'ai soigneusement examiné. Quand vous aurez la fabrique de votre huile dans les terrains du faubourg du Temple, je pense qu'il doit te faire bail de l'atelier. Il peut avoir des représentants. Les choses viennent en règle et vident des discussions. Ces murs me paraissent humides, Anselme. Élève des nattes de paille à l'endroit de ton lit. Permettez, monsieur le juge d'instruction, dit Gaudissart, avec la patelinerie d'un courtisan. Nous avons collé nous-mêmes les papiers aujourd'hui, et ils ne sont pas secs. De l'économie, bien, dit le juge. Écoutez, dit Gaudissart à l'oreille de Finot, mon ami Popinot est un jeune homme vertueux. Il va chez son oncle. Allons achever la soirée chez ma tante. Le journaliste montra la doublure de la poche de son gilet. Popinot vit le geste. Il glissa 20 francs à l'auteur de son prospectus. Le juge avait un fiacre au bout de la rue. Il emmena son neveu chez Birotteau. Pierrot, monsieur et madame Ragon, Roguin faisaient un boston et Césarine brodait d'un fichu quand le juge Popineau et Anselme se montrèrent. Roguin, le vis-à-vis de madame Ragon, auprès de laquelle se tenait Césarine, remarqua le plaisir de la jeune fille quand elle vit entrer Anselme et, par un signe, il la montra rouge comme une grenade à son premier clin. « Ce sera donc la journée aux actes, » dit le parfumeur, quand, après les salutations, le juge lui eut dit le motif de sa visite. César, Anselme et le juge allèrent au second, dans la chambre provisoire du parfumeur, discuter le bail et l'acte de société dressé par le magistrat. Le bail fut consenti pour les 18 années afin de le faire concorder à celui de la rue des 5 Diamants. Circonstance minime en apparence, mais qui plus tard servit les intérêts de Birotteau. Quand César et le juge revinrent à l'entresol, le magistrat, étonné du bouleversement général et de la présence des ouvriers un dimanche chez un homme aussi religieux que le parfumeur, en demanda la cause. Et le parfumeur l'attendait là. « Quoique vous ne soyez pas mondain, monsieur, vous ne trouverez pas mauvais que nous célébrions la délivrance du territoire. Ce n'est pas tout. Si je réunis quelques amis, c'est aussi pour fêter ma promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. »« Ah !» fit le juge qui n'était pas décoré. « Peut-être me suis-je rendu digne de cet insigne et royale faveur en siégeant au tribunal, au consulaire, et en combattant pour les Bourbons sur les marches. »« Oui, dit le juge, de Saint-Roch-aux-Treize Vendémiaires où je fus blessé par Napoléon. » « Volontiers, dit le juge. Si ma femme n'est pas souffrante, je l'amènerai. »« Xandro, dit Roguin sur le pas de la porte à son clerc, ne pense en aucune manière à épouser Césarine. Et dans 6 semaines, tu verras que je t'ai donné un bon conseil. »« Pourquoi ?» dit Grotin. « Birotteau, mon cher, va dépenser 100 000 francs pour son bal. Il engage sa fortune dans cette affaire des terrains malgré mes conseils. Dans 6 semaines, ces gens-là n'auront pas de pain. » « Épouse mademoiselle Lourdois, la fille du peintre en bâtiment. Elle a 300 000 francs de dot. Je t'ai ménagé ce pis-aller. Si tu me comptes seulement 100 000 francs en achetant ma charge, tu peux l'avoir demain. » Les magnificences du bal que préparait le parfumeur, annoncées par les journaux d'Europe, étaient bien autrement annoncées dans le commerce par les rumeurs auxquelles donnaient lieu les travaux. Ici, l'on disait que César avait loué 3 maisons. Là, il faisait dorer ses salons. Plus loin, le repas devait offrir des plats inventés pour la circonstance. Par là, les négociants, disait-on, n'y seraient pas invités. La fête était donnée pour les gens du gouvernement. Par ici, le parfumeur était sévèrement blâmé de son ambition, et l'on se moquait de ses prétentions politiques. On niait sa blessure. Le bal engendrait plus d'une intrigue dans le 2e arrondissement. Les amis étaient tranquilles, mais les exigences des simples connaissances étaient énormes. Toute faveur amène des courtisans. Il y eut bon nombre de gens à qui leur invitation coûta plus d'une démarche. Les Birotteau furent effrayés par le nombre des amis qui ne se connaissaient point. Cet empressement effrayait madame Birotteau. Son air devenait chaque jour de plus en plus sombre à l'approche de cette solennité. D'abord, elle avouait à César qu'elle ne saurait jamais quelle contenance tenir. Elle s'épouvantait des innombrables détails d'une pareille fête. Où trouver l'argenterie, la verrerie, les rafraîchissements, la vaisselle, le service? Et qui donc surveillerait tout? Elle priait Birotteau de se mettre à la porte des appartements et de ne laisser entrer que des invités. Elle avait entendu raconter d'étranges choses sur les gens qui venaient à des bals bourgeois en se réclamant d'amis qu'ils ne pouvaient nommer. Quand, 10 jours auparavant, Brachon, Grindot, Lourdois et Chaffaroux, l'entrepreneur en bâtiment, eurent affirmé que l'appartement serait prêt pour le fameux dimanche du 17 décembre, il y eut une conférence risible le soir, après dîner, dans le modeste petit salon de l'entresol, entre César, sa femme et sa fille, pour composer la liste des invités et faire les invitations, que le matin un imprimeur avait envoyé imprimer en belle anglaise sur papier rose, et suivant la formule du code de la civilité puérile et honnête. « Ah, ça, n'oublions personne, » dit Birotteau. « Si nous oublions quelqu'un, » dit Constance, « il ne s'oubliera pas. » Madame Derville, qui ne nous avait jamais fait de visite, est débarquée hier au soir en 4 bateaux. Elle était bien jolie, dit Césarine. Elle m'a plu. Cependant, avant son mariage, elle était encore moins que moi, dit Constance. Elle travaillait en linge, rue Montmartre. Elle a fait des chemises à ton père. Eh bien, commençons la liste, dit Birotteau, par les gens les plus huppés. Écrit Césarine. Monsieur le duc et madame la duchesse de Lenoncourt. Mon Dieu, César, dit Constance, n'envoie donc pas une seule invitation aux personnes que tu ne connais qu'en qualité de fournisseur. Iras-tu inviter la princesse de Blamont-Chauvry, encore plus parente à feu ta marraine, la marquise d'Uxelles? que le duc de Lenoncourt? Inviterais-tu les deux messieurs de Vandenesse, monsieur de Marsay, monsieur de Ronquerolles, monsieur d'Aiglemont, enfin, tes pratiques? Tu es fou, les grandeurs te tournent la tête. Oui, mais monsieur le comte de Fontaine et sa famille, hein, celui-là venait sous son nom de Grand Jacques, avec le gars qui était monsieur le marquis de Montauran, et monsieur la Billardière, qui s'appelait le Nantais à la Reine des Roses, avant la grande affaire du 13 Vendémiaire. C'était alors des poignées de main, mon cher Birotteau, du courage, faites-vous tuer comme nous pour la bonne cause, nous sommes d'anciens camarades de conspiration. Mais, le dit Constance, car si monsieur de la Billardière et son fils viennent, il faut qu'ils trouvent à qui parler. Écrit Césarine des Birotteau. Primo, monsieur le préfet de la Seine, il viendra ou ne viendra pas, mais il commande le corps municipal, à tout seigneur tout honneur. Monsieur la Billardière et son fils, maire, met le chiffre des invités au bout. Mon collègue, monsieur Granet, l'adjoint et sa femme, elle est bien laide, mais c'est égal, on ne peut pas s'en dispenser. Monsieur Curel de l'Albranché, le colonel de la garde nationale, sa femme et ses deux filles, voilà ce que j'aime, les autorités. Viennent les gros bonnets. Monsieur le comte et madame la comtesse de Fontaine, et leur fille, mademoiselle Émilie de Fontaine. Une impertinente qui me fait sortir de ma boutique pour lui parler à la portière de sa voiture, quel que soit le temps, dit madame César. Si elle vient, ce sera pour se moquer de nous. Alors elle viendra peut-être, dit César, qui voulait absolument du monde. Continue. Monsieur le comte et madame la comtesse de Granville, mon propriétaire, la plus fameuse caboche de la cour royale, dit Derville. Ah, ça, monsieur la Billardière me fait recevoir chevalier de main par monsieur le comte de la Cépède lui-même. Il est convenable que je coule une invitation pour bal et dîner au grand chancelier. Monsieur Vauquelin, mets bal et dîner, Césarine, et pour ne pas les oublier, tous les chiffres villes et les prothèses. Monsieur et madame Popineau, juge au tribunal de la Seine. Monsieur et madame Sirion, huissier du cabinet du roi, les amis d'Aragon. César, n'oublie pas le petit Horace Blanchon, le neveu de monsieur Popineau et cousin d'Anselme. Ah, bouiche, Césarine a bien mis un 4 au bout des Popineau. Monsieur et madame Rabourdin, le chef de bureau de monsieur de la Billardière. Monsieur Cochin, du même ministère, sa femme et leur fils, les commanditaires des Matifat. Et monsieur, madame et mademoiselle Matifat, puisque nous y sommes. Les Matifat, dit Césarine, ont fait des démarches pour monsieur et madame Colville, monsieur et madame Tuilier, leurs amis et les saignants. Nous verrons, dit César. Notre agent de change, monsieur et madame Jules Desmarais. Ce sera la plus belle du bal, celle-là, dit Césarine. Elle me plaît, oh, mais plus que tout autre. Derville et sa femme. Mais donc, monsieur et madame Coquelin, les successeurs de mon oncle Pierrot, dit Constance. Ils comptent si bien en être que cette pauvre petite femme fait faire par ma couturière une superbe robe de bal, par-dessous de satin blanc, robe de tulle brodée en fleurs de chicorée. Encore un peu, elle aurait pris une robe lamée comme pour aller à la cour. Si nous manquions à cela, nous aurions en eux des ennemis acharnés. Mais, Césarine, nous devons honorer le commerce, nous en sommes. Monsieur et madame Roguin. Maman, madame Roguin mettra sa mère Rivière, tous ses diamants et sa robe de maline. Monsieur et madame Lebas, dit César. Puis, monsieur le président du tribunal de commerce, sa femme et ses deux filles. Je les oubliais dans les autorités. Monsieur et madame Lourdois et leur fille. Monsieur Claparon, banquier, monsieur Dutillet, monsieur Grindot, monsieur Molineux, Pirot et son propriétaire, monsieur et madame Camuso, les riches marchands de soie, avec leurs deux fils, celui de l'école polytechnique et l'avocat qui va être nommé juge, monsieur Cardot et ses enfants. Tiens, et les Guillaume, rue du Colombier, le beau-père de Lebas, deux vieilles gens qui feront tapisserie. Alexandre Cotta, Célestin, papa, n'oubliez pas monsieur Andoche, Finot et monsieur Gaudissart, deux jeunes gens qui sont très utiles à monsieur Anselme. Gaudissart, il a été pris de justice, mais c'est égal. Il part dans quelques jours et va voyager pour notre huile. Mais, quant au sieur Andoche Finot, que nous est-il? Monsieur Anselme dit qu'il deviendra un personnage. Il a de l'esprit comme Voltaire. Un auteur? Tout athée. Mettez-le, papa, il n'y a pas déjà tant de danseurs. D'ailleurs, le beau prospectus de votre huile est de lui. Il croit notre huile, dit César. Mets-le, cher enfant. Je vais aussi me protéger, dit Césarine. Mais monsieur Mitral, mon huissier, monsieur Audry, mon médecin, pour la forme, il ne viendra pas. Il viendra faire sa partie, dit Césarine. Ah, ça j'espère. César, que tu inviteras au dîner, monsieur l'abbé Loraux. Je lui ai déjà écrit, dit César. Oh, n'oublions pas la belle-sœur de Lebas, madame Augustine de Sommervieux, dit Césarine. Pauvre petite femme, elle est bien souffrante. Elle se meurt de chagrin, nous a dit le bas. Ah, ce que c'est que d'épouser des artistes, s'écria le parfumeur. Regarde donc ta mère qui s'endort, dit-il tout bas à sa fille. Là, là, bien le bonsoir, madame César. Eh bien, dit César à Césarine. Et la robe de ta mère? Oui, papa, tout sera prêt. Maman croit n'avoir qu'une robe de crêpe de Chine, comme la mienne. La couturière est sûre de ne pas avoir besoin de l'essayer. Combien de personnes? Dit César à haute voix, en voyant sa femme ouvrir ses paupières. 109 avec les commis, dit Césarine. Où mettrons-nous tout ce monde-là? Dit madame Birotteau. Mais enfin, après ce dimanche-là, reprit-elle naïvement, il y aura un lundi. Rien ne peut se faire simplement chez les gens qui montent d'un étage social à l'autre. Ni madame Birotteau, ni César, ni personne ne pouvaient s'introduire sous aucun prétexte au premier étage. César avait promis à Raguet, son garçon de magasin, un habillement neuf pour le jour du bal, s'il faisait bonne garde et s'il exécutait bien sa consigne. Birotteau, comme l'empereur Napoléon à Compiègne, lors de la restauration du château, pour son mariage avec Marie-Louise d'Autriche, voulait ne rien voir partiellement. Il voulait jouir de la surprise. Ses deux anciens adversaires se rencontrèrent encore une fois, à leur insu, non sur un champ de bataille, mais sur le terrain de la vanité bourgeoise. Monsieur Grindot devait donc prendre César par la main et lui montrer l'appartement, comme un cicérone montre une galerie à un curieux. Chacun dans la maison avait d'ailleurs inventé sa surprise. Césarine, la chère enfant, avait employé tout son petit trésor, sans louis, à acheter des livres à son père. Monsieur Grindot lui avait un matin confié qu'il y aurait deux corps de bibliothèque dans la chambre de son père, laquelle formait cabinet, une surprise d'architecte. Césarine avait jeté toutes ses économies de jeune fille dans le comptoir d'un libraire, pour offrir à son père Bossuet, Racine, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Molière, Buffon, Fénelon, Delille, Bernardin de Saint-Pierre, La Fontaine, Corneille, Pascal, La Harpe, enfin cette bibliothèque vulgaire qui se trouve partout et que son père ne lirait jamais. Il devait y avoir un terrible mémoire de reliure. L'inexact et célèbre artiste Touvenin avait promis de livrer les volumes le 16 à midi. Césarine avait confié son embarras à son oncle Pierrot et l'oncle s'était chargé du mémoire. La surprise de César à sa femme était une robe de velours cerise garnie de dentelles dont il venait de parler à sa fille, sa complice. La surprise de madame Birotteau pour le nouveau chevalier consistait en une paire de boucles d'or et un solitaire en épingle. Enfin, il y avait pour toute la famille la surprise de l'appartement, laquelle devait être suivie dans la quinzaine de la grande surprise des mémoires à payer. César pesa mûrement quelles invitations devaient être faites en personne et qu'elle portait par Raguet le soir. Il prit un fiacre, y mit sa femme enlaidie d'un chapeau à plumes et du dernier châle donné, le cachemire qu'elle avait désiré pendant 15 ans. Les parfumeurs en grande tenue s'acquittèrent de 22 visites dans la matinée. César avait fait grâce à sa femme des difficultés que présentait au logis la confection bourgeoise des différents comestibles exigés par la splendeur de la fête. Un traité diplomatique avait eu lieu entre l'illustre Chevet et Birotteau. Chevet fournissait une superbe argenterie qui rapporte autant qu'une terre par sa location. Il fournissait le dîner, les vins, les gens de service commandés par maître d'hôtel, d'aspect convenable, tous responsables de leurs faits et gestes. Chevet demandait la cuisine et la salle à manger de l'entresol pour y établir son quartier général. Il devait ne pas désemparer pour servir un dîner de 20 personnes à 6 heures et à 1 heure du matin un magnifique ambigu. Birotteau s'était entendu avec le café de foie pour les glaces frappées en fruits, servies sur de jolies tasses, cuillères en vermeil, plateau d'argent. Tanrade, autre illustration, fournissait les rafraîchissements. « Sois tranquille, dit César à sa femme, en la voyant un peu trop inquiète l'avant-veille. Chevet, Tanrade et le café de foie occuperont l'entresol. Virginie gardera le second, la boutique sera bien fermée, nous n'aurons plus qu'à nous carrer au premier. » Le 16, à 2 heures, monsieur de la Billardière vint prendre César pour le mener à la chancellerie de la Légion d'honneur, où il devait être reçu chevalier par monsieur le comte de la Cépède, avec une dizaine d'autres chevaliers. Le maire trouva le parfumeur, les larmes aux yeux. Sa femme venait de lui faire la surprise des boucles d'or et du solitaire. « Il est bien doux d'être aimé ainsi, dit-il, en montant en fiacre, en présence de ses commis attroupés, de Césarine et de Constance, qui regardaient César en culotte de soie noire, en bas de soie, et le nouvel habit bleu, barbeau, sur lequel allait briller le ruban qui, selon Moulineux, était trempé dans le sang. Quand César rentra pour dîner, il était pâle de joie. Il regardait sa croix dans toutes les glaces, car, dans sa première ivresse, il ne se contenta pas du ruban. Il fut glorieux, sans fausse modestie. Ma femme, dit-il, le grand chancelier est un homme charmant. Il a sur un mot de la billardière accepté mon invitation. Il vient avec M. Vauquelin. M. de la Cépette est un grand homme. Oui, autant que M. Vauquelin. Il a fait 40 volumes. Mais aussi à son auteur, pair de France. N'oublions pas de lui dire votre seigneurie ou monsieur le comte. Mais mange donc, dit sa femme. Il est pire qu'un enfant, ton père, dit Constance à Césarine. Comme cela fait bien ta boutonnière, dit Césarine. On te portera les armes, nous sortirons ensemble. On me portera les armes partout où il y aura des factionnaires. En ce moment, Grindot descendit avec Brachon. Après dîner, monsieur, madame et mademoiselle pouvaient jouir du coup d'œil des appartements. Le premier garçon de Brachon achevait d'y clouer quelques patères et trois hommes allumaient les bougies. « Il faut 120 bougies, dit Brachon. À un mémoire de 200 francs chez Trudon, dit madame César, dont les plaintes furent arrêtées par un regard du chevalier Birotteau. Votre fête sera magnifique, dit Brachon. César ne comprit pas ce que voulait dire le riche tapissier de la rue Saint-Antoine. Brachon fit 11 tentatives inutiles pour être invité, lui, sa femme, sa fille, sa belle-mère et sa tante. Brachon devint l'ennemi de Birotteau. Sur le pas de la porte, il appela « Monsieur le chevalier ». Birotteau se dit dans lui-même « Déjà les flatteurs ». La Belleroux m'a bien engagé à ne pas donner dans leur piège et à rester modeste. Je me souviendrai de mon origine. La répétition générale commença. César, sa femme et Césarine sortirent de la boutique et entrèrent, chez eux, par la rue. La porte de la maison avait été refaite dans un grand style, à deux vantaux, divisée en panneaux égaux et carrés, au milieu desquels se trouvait un ornement architectural de fonte, coulée et peinte. Cette porte, devenue si commune à Paris, était alors dans toute sa nouveauté. Au fond du vestibule se voyait l'escalier divisé en deux rampes droites, entre lesquelles se trouvait ce socle dont s'inquiétait Birotteau, et qui formait une espèce de boîte où l'on pouvait loger une vieille femme. Ce vestibule dallé en marbre blanc et noir, peint en marbre, était éclairé par une lampe antique à quatre becs. L'architecte avait uni la richesse à la simplicité. Un étroit tapis rouge relevait la blancheur des marches de l'escalier en liés polis à la pierre ponce. Un premier palier donnait une entrée à l'entresol. La porte des appartements était dans le genre de celle sur la rue, mais en menuiserie. « Quelle grâce !» dit Césarine. « Et cependant, il n'y a rien qui saisisse l'œil. » Précisément, mademoiselle, la grâce vient des proportions exactes entre les stylobates, les plinthes, les corniches et les ornements. Puis, je n'ai rien doré, les couleurs sont sobres et n'offrent point de ton éclatant. C'est une science, dit Césarine. Tous entrèrent alors dans une antichambre de bon goût, parquetée, spacieuse, simplement décorée. Puis venait un salon à trois croisées, sur la rue, blanc et rouge, à corniches élégamment profilées, à peinture fine, où rien ne papillotait. Sur une cheminée en marbre blanc à colonnes était une garniture choisie avec goût. Elle n'offrait rien de ridicule et concordait aux autres détails. Là régnait enfin cette suave harmonie que les artistes seuls savent établir en poursuivant un système de décoration jusque dans les plus petits accessoires et que les bourgeois ignorent, mais qui les surprend. Un lustre à 24 bougies faisait resplendir les draperies de soie rouge. Le parquet avait un air agaçant qui provoqua Césarine à danser. Un boudoir vert et blanc donnait passage dans le cabinet de César. Je mis là un lit, dit Grindot, en dépliant les portes d'une alcôve habilement cachée entre les deux bibliothèques. Tout, madame, vous pouvez être malade. Et alors chacun à sa chambre. Mais cette bibliothèque garnie de livres liés. Oh, ma femme, dit César. Non, ceci est la surprise de Césarine. Pardonnez à l'émotion d'un père, dit-il à l'architecte en embrassant sa fille. Mais faites donc, monsieur, dit Grindot. Vous êtes chez vous. Dans ce cabinet dominaient les couleurs brunes, relevées par des agréments verts, car les plus habiles transitions de l'harmonie liaient toutes les pièces de l'appartement l'une à l'autre. Ainsi, la couleur qui faisait le fond d'une pièce servait à l'agrément de l'autre, et vice-versa. La gravure d'Héro et Léandre brillait sur un panneau dans le cabinet de César. « Toi, tu payeras tout cela, » dit gaiement Birotteau. « Cette belle estampe vous est donnée par M. Anselme, » dit Césarine. Anselme aussi s'était permis une surprise. « Pauvre enfant !» Il a fait comme moi pour M. Vauquelin. La chambre de Mme Birotteau venait ensuite. L'architecte y avait déployé des magnificences de nature à plaire aux braves gens qu'il voulait empaumer, car il avait tenu parole en étudiant cette restauration. La chambre était tendue en soie bleue, avec des ornements blancs. Le meuble était en casimir blanc, avec des agréments bleus. Sur la cheminée en marbre blanc, la pendule représentait la Vénus, accroupie sur un beau bloc de marbre. Un joli tapis en moquette et d'un dessin turc unissait cette pièce à la chambre de Césarine, tendue en perse et fort coquette. Un piano, une jolie armoire à glace, un petit lit chaste à rideaux simples, et tous les petits meubles qu'aiment les jeunes personnes. La salle à manger était derrière la chambre de Birotteau et celle de sa femme. On y entrait par l'escalier. Elle avait été traitée dans le genre dit Louis XIV, avec la pendule de boule, les buffets de cuivre et d'écaille, les murs tendus en étoffe à clous dorés. La joie de ces trois personnes ne saurait se décrire, surtout quand, en revenant dans sa chambre, Madame Birotteau trouva sur son lit sa robe de velours cerise garnie en dentelle que lui offrait son mari et que Virginie y avait apportée en revenant sur la pointe des pieds. « Monsieur, cet appartement vous fera beaucoup d'honneur, » dit Constance à Grindot. « Nous aurons 100 et quelques personnes demain soir, et vous recueillerez les éloges de tout le monde. » « Je vous recommanderai, » dit César. « Vous verrez la tête du commerce, et vous serez connu dans une seule soirée, plus que si vous aviez bâti 100 maisons. » Constance, émue, ne pensait plus à la dépense ni à critiquer son mari. Voici pourquoi. Le matin, en apportant Héro et Léandre, Anselme Popinot, à qui Constance accordait une haute intelligence et de grands moyens, lui avait affirmé le succès de l'huile céphalique auquel il travaillait avec un acharnement sans exemple. L'amoureux avait promis que, malgré la rondeur du chiffre auquel s'élèveraient les folies de Birotteau, dans 6 mois, ses dépenses seraient couvertes par sa part dans les bénéfices donnés par l'huile. Après avoir tremblé pendant 19 ans, il était si doux de se livrer un seul jour à la joie que Constance promit à sa fille de n'empoisonner le bonheur de son mari par aucune réflexion et de s'y laisser aller tout entière. Quand, vers 11 heures, M. Grindot l'y quitta, elle se jeta donc au cou de son mari et versa quelques pleurs de contentement en disant « César, ah, tu me rends bien folle et bien heureuse. »« Pour X la dure, n'est-ce pas ?» dit en souriant César. « Cela durera. Je n'ai plus de crainte, » dit Mme Birotteau. « À la bonne heure, » dit le parfumeur. « Tu m'apprécies enfin. » Les gens assez grands pour reconnaître leur faiblesse avoueront qu'une pauvre orpheline qui, 18 ans auparavant, était première demoiselle au petit matelot, île Saint-Louis, qu'un pauvre paysan venu de Touraine à Paris, avec un bâton à la main, à pied, en souliers ferrés, devait être flatté, heureux de donner une pareille fête pour de si louables motifs. « Mon Dieu, je perdrais bien 100 francs, dit César, pour qu'il nous vînt une visite. »« Voilà monsieur l'abbé Loraux, dit Virginie. » L'abbé Loraux se montra. Ce prêtre était alors vicaire de Saint-Sulpice. Jamais la puissance de l'âme ne se révéla mieux qu'en ce saint prêtre, dont le commerce laissa de profondes empreintes dans la mémoire de tous ceux qui le connurent. Son visage rechigné, laid jusqu'à repousser la confiance, avait été rendu sublime par l'exercice des vertus catholiques. Il y brillait par avance une splendeur céleste, une candeur infusée dans le sang reliait ses traits disgracieux, et le feu de la charité purifiait les lignes incorrectes par un phénomène contraire à celui qui, chez Claparon, avait tout animalisé, dégradé. Dans ses rides se jouaient les grâces, les trois belles vertus humaines, l'espérance, la foi, la charité. Sa parole était douce, lente et pénétrante. Son costume était celui des prêtres de Paris. Il se permettait la redingote d'un brun marron. Aucune ambition ne s'était glissée en ce cœur pur que les anges durent apporter à Dieu dans sa primitive innocence. Il fallut la douce violence de la fille de Louis XVI pour faire accepter une cure de Paris, encore une des plus modestes, à l'abbé Loraux. Il regarda d'un œil inquiet toutes ces magnificences, sourit à ses trois commerçants enchantés et hocha sa tête blanchie. « Mes enfants, leur dit-il, mon rôle n'est pas d'assister à des fêtes, mais de consoler les affligés. Je viens remercier M. César, vous féliciter. Je ne veux venir ici que pour une seule fête, pour le mariage de cette belle enfant. » Après un quart d'heure, l'abbé se retira sans que le parfumeur ni sa femme osassent lui montrer les appartements. Cette apparition grave jeta quelques gouttes froides dans la joie bouillante de César. Chacun se coucha dans son luxe, en prenant en possession des bons jolis petits meubles qu'il avait souhaités. Césarine déshabilla sa mère devant une toilette à glace en marbre blanc. César s'était donné quelques superfluités dont il voulut user aussitôt. Tous s'endormirent en se représentant par avance les joies du lendemain. Après être allés à la messe et avoir lu leur vêpre, Césarine et sa mère s'habillèrent sur les 4 heures, après avoir livré l'entresol au bras séculier des gens de chevet. Jamais toilette n'alla mieux à Madame César que cette robe de velours cerise, garnie en dentelle, à manches courtes ornées de jockeys. Ses beaux bras, encore frais et jeunes, sa poitrine étincelante de blancheur, son col, ses épaules d'un si joli dessin, était rehaussé par cette riche étoffe et par cette magnifique couleur. Le naïf contentement que toute femme éprouve à se voir dans toute sa puissance donna je ne sais quelle suavité au profil grec de la parfumeuse dont la beauté parut dans toute sa finesse de camée. Césarine, habillée en crêpe blanc, avait une couronne de roses blanches sur la tête, une rose à son côté, une écharpe lui couvrait chastement les épaules et le corsage. Elle rendit Popinot fou. « Ces gens-là nous écrasent, » dit Madame Roguin à son mari en parcourant l'appartement. La notaresse était furieuse de ne pas être aussi belle que Madame César, car toute femme sait toujours en elle-même à quoi s'en tenir sur la supériorité ou l'infériorité d'une rivale. « Bah, ça ne durera pas longtemps, et bientôt tu éclabousseras la pauvre femme en la rencontrant à pied dans les rues et ruinée, » dit Roguin bas à sa femme. Vauquelin fut d'une grâce parfaite. Il vint avec Monsieur de la Cépède, son collègue de l'Institut, qu'il était allé prendre en voiture. En voyant la resplendissante parfumeuse, les deux savants tombèrent dans le compliment scientifique. « Vous avez, madame, un secret que la science ignore, pour rester ainsi jeune et belle, » dit le chimiste. « Vous êtes ici un peu chez vous, monsieur l'académicien, » dit Birotteau. « Oui, monsieur le comte, » reprit-il en se tournant vers le grand chancelier de la Légion d'honneur. « Je dois ma fortune à monsieur Vauquelin. » J'ai l'honneur de présenter à votre seigneurie monsieur le président du tribunal de commerce. C'est monsieur le comte de Lacépède, pair de France, un des grands hommes de la France. Il a écrit 40 volumes, dit-il à Joseph Lebas, qui accompagnait le président du tribunal. Les convives furent exacts. Le dîner fut ce que sont les dîners de commerçants, extrêmement gais, plein de bonhomie, historiés par de grosses plaisanteries qui font rire. L'excellence des mets, la bonté des vins furent bien appréciées. Quand la société rentra dans les salons pour prendre le café, il était 9h30. Quelques fiacres avaient amené d'impatientes danseuses. Une heure après, le salon fut plein et le bal prit un air de raout. Monsieur de la Cépède et Monsieur Vauquelin s'en allèrent au grand désespoir de Birotteau, qui les suivit jusque sur l'escalier en les suppliant de rester, mais en vain. Il réussit à maintenir Monsieur Popinot, le juge, et Monsieur de la Billardière. À l'exception de trois femmes qui représentaient l'aristocratie, la finance et l'administration, Mademoiselle de Fontaine, Madame Jules, Madame Rabourdin, et dont l'éclatante beauté, la mise et les manières tranchaient au milieu de cette réunion, les autres femmes offraient à l'œil des toilettes lourdes, solides, ce je ne sais quoi de cossu qui donne aux masses bourgeoises un aspect commun que la légèreté, la grâce de ces trois femmes faisaient cruellement ressortir. La bourgeoisie de la rue Saint-Denis s'est allée majestueusement en se montrant dans toute la plénitude de ses droits de spirituelle sottise. C'était bien cette bourgeoisie qui habille ses enfants en lancier ou en garde nationale, qui achète victoires et conquêtes, le soldat laboureur, admire le convoi du pauvre, se réjouit le jour de garde, va le dimanche dans une maison de campagne à soi, s'inquiète d'avoir l'air distingué, rêve aux honneurs municipaux. Cette bourgeoisie jalouse de tout est néanmoins bonne, serviable, dévouée, sensible, compatissante, souscrivant pour les enfants du général Foy, pour les Grecs dont elle ignore les pirateries, pour le champ d'asile au moment où il n'existe plus, dupe de ses vertus et bafouée pour ses défauts par une société qui ne la vaut pas, car elle a du cœur précisément, parce qu'elle ignore les convenances. Cette vertueuse bourgeoisie qui élève des filles candides, rompues, au travail, pleines de qualités, que le contact des classes supérieures diminue aussitôt qu'elle les y lance. Ces filles sans esprit, parmi lesquelles le bonhomme Chrysal aurait pris sa femme. Enfin, une bourgeoisie admirablement représentée par les Matifat, les droguistes de la rue des Lombards, dont la maison fournissait la Reine des Roses depuis 60 ans. Madame Matifat, qui avait voulu se donner un air digne, dansait coiffée d'un turban et vêtue d'une lourde robe ponceau lamée d'or, toilette en harmonie avec un air fier, un nez romain et les splendeurs d'un teint cramoisi. Monsieur Matifat, si superbe à une revue de garde nationale, où l'on apercevait à 50 pas son ventre rondelé, sur lequel brillaient sa chaîne et son paquet de breloques, était dominé par cette Catherine II de comptoir, gros et court, harnaché de bésicles, maintenant le col de sa chemise à la hauteur du cervelet. Il se faisait remarquer par sa voix de basse taille et par la richesse de son vocabulaire. Jamais il ne disait Corneille, mais le sublime Corneille. Racine était le doux Racine. Voltaire, oh Voltaire, le second dans tous les genres, plus d'esprit que de génie, mais néanmoins homme de génie. Rousseau, esprit ombrageux, homme doué d'orgueil et qui a fini par se pendre. Il comptait lourdement les anecdotes vulgaires sur Piron, qui passe pour un homme prodigieux dans la bourgeoisie. Matifa, passionnée pour les acteurs, avait une légère tendance à l'obscénité. Parfois, Madame Matifa, en le voyant prêt à compter, lui disait « Mon gros, fais attention à ce que tu vas nous dire. » Elle le nommait familièrement son gros. Cette volumineuse reine des drogues fit perdre à Mademoiselle de Fontaine sa contenance aristocratique. L'orgueilleuse fille ne put s'empêcher de sourire en lui entendant dire à Matifa « Ne te jette pas sur les glaces, mon gros, c'est mauvais genre. » Il est plus difficile d'expliquer la différence qui distingue le grand monde de la bourgeoisie qu'il ne l'est à la bourgeoisie de l'effacer. Ces femmes, gênées dans leurs toilettes, se savaient endimanchées et laissaient voir naïvement une joie qui prouvait que le bal était une rareté dans leur vie occupée. Tandis que les trois femmes exprimaient chacune une sphère du monde, était alors comme elle devait être le lendemain. Elles n'avaient pas l'air de s'être habillées exprès, elles ne se contemplaient pas dans les merveilles inaccoutumées de leur parure, ne s'inquiétaient pas de leur effet. Tout avait été accompli quand, devant leur glace, elles avaient mis la dernière main à l'œuvre de leur toilette de bal. Leur figure ne révélait rien d'excessif, elles dansaient avec la grâce et le laisser-aller que des génies inconnus ont donné à quelques statues antiques. Les autres, au contraire, marqués au sceau du travail, gardaient leur pose vulgaire et s'amusaient trop. Leurs regards étaient inconsidérément curieux, leur voix ne conservait point ce léger murmure qui donne aux conversations du bal un piquant inimitable. Elle n'avait pas surtout le sérieux impertinent qui contient l'épigramme en germe, ni cette tranquille attitude à laquelle se reconnaissent les gens habitués à conserver un grand empire sur eux-mêmes. Aussi Madame Rabourdin, Madame Jules et Mademoiselle de Fontaine, qui s'étaient promis une joie infinie de ce bal de parfumeurs, se dessinaient-elles sur toute la bourgeoisie par leur grâce molle, par le goût exquis de leur toilette et par leur jeu, comme trois premiers sujets de l'opéra se détachent sur la lourde cavalerie des comparses. Elles étaient observées d'un œil hébété, jaloux. Madame Roguin, Constance et Césarine formaient comme un lien qui rattachait les figures commerciales à ces trois types du grand monde. Comme dans tous les bals, il vint un moment d'animation où les torrents de lumière, la joie, la musique et l'entrain de la danse causèrent une ivresse qui fit disparaître ses nuances dans le crescendo du tutti. Le bal allait devenir bruyant. Mademoiselle de Fontaine voulut se retirer, mais quand elle chercha le bras du vénérable vendéen Birotteau, sa femme et sa fille accoururent pour empêcher la désertion de toute l'aristocratie de leur assemblée. « Il y a dans cet appartement un parfum de bon goût qui vraiment m'étonne, dit l'impertinente fille au parfumeur, et je vous en fais mon compliment. » Birotteau était si bien enivré par les félicitations publiques qu'il ne comprit pas, mais sa femme rougit et ne sut que répondre. « Voilà une fête nationale qui vous honore, lui disait le royaliste M. Camusot, le marchand de soieries de la rue des Bourdonnais. « J'ai vu rarement un si beau bal, disait M. de la Billardière, à qui un mensonge officieux ne coûtait rien. » Birotteau prenait tous les compliments au sérieux. « Quel ravissant coup d'œil, et le bon orchestre. Nous donnerez-vous souvent des bals ?» lui disait Madame Lebas. « Quel charmant appartement, c'est de votre goût ?» lui disait Madame Desmarais. Birotteau osa mentir en lui laissant croire qu'il en était l'ordonnateur. Césarine, qui devait être invitée pour toutes les contredanses, connut combien il y avait de délicatesse chez Anselme. « Si je n'écoutais que mon désir, lui dit-il à l'oreille, en sortant de table, je vous prierais de me faire la faveur d'une contredanse. » Mais mon bonheur coûterait trop cher à notre mutuel amour-propre. Césarine, qui trouvait que les hommes marchaient sans grâce quand ils étaient droits sur leurs jambes, voulut ouvrir le bal avec Popineau. Popineau, enhardi par sa tante qui lui avait dit d'oser, osa parler de son amour à cette charmante fille pendant la contredanse, mais en se servant de détours que prennent les amants timides. « Ma fortune dépend de vous, mademoiselle. Et comment ? Il n'y a qu'un espoir qui puisse me la faire faire. Espérez. » « Savez-vous bien tout ce que venez de dire en un seul mot ?» reprit Popineau. « Espérez la fortune, dit Césarine, avec un sourire malicieux. « Gaudissart, Gaudissart, dit, après la contredanse Anselme à son ami, en lui pressant le bras avec une force herculéenne. « Réussi, je me brûle la cervelle. Réussir, c'est épouser Césarine. Elle me l'a dit, et vois comme elle est belle. « Oui, elle est joliment ficelée, dit Gaudissart, et riche. Nous allons la frire dans l'huile. » La bonne intelligence de Mademoiselle Lourdois et d'Alexandre Crottat, successeurs désignés de Roguin, fut remarquée par Madame Birotteau, qui ne renonça pas sans de vives peines à faire de sa fille la femme de notaire de Paris. L'oncle Pierrot, qui avait échangé un salut avec le petit Molineux, alla s'établir dans un fauteuil auprès de la bibliothèque. Il regarda les joueurs, écouta les conversations, et vint de temps en temps voir à la porte les corbeilles de fleurs agitées que formaient les têtes des danseuses au moulinet. Sa contenance était celle d'un vrai philosophe. Les hommes étaient affreux, à l'exception de Dutillet, qui avait déjà les manières du monde, du jeune Labillardière, petit fashionable en herbe, de M. Jules Desmarets et des personnages officiels. Mais parmi toutes les figures plus ou moins comiques auxquelles cette assemblée devait son caractère, il s'en trouvait une particulièrement effacée, comme une pièce de 100 sous républicaine, mais que le vêtement rendait curieuse. On a deviné le Tyranno de la cour batave, paré de linge fin, jauni dans l'armoire, exhibant au regard un jabot à dentelle de succession attaché par un camé bleuâtre en épingle, portant une culotte courte en soie noire qui trahissait les fuseaux sur lesquels il avait la hardiesse de se reposer. César lui montra triomphalement les 4 pièces créées par l'architecte au premier de sa maison. « Hé, c'est affaire à vous, monsieur, » lui dit Molineux. « Mon premier ainsi garni vaudra plus de 1000 écus. » Birotteau répondit par une plaisanterie, mais il fut atteint comme d'un coup d'épingle par l'accent avec lequel le petit vieillard avait prononcé cette phrase. « Je rentrerai bientôt dans mon premier, cet homme se ruine. » Tel était le sens du mot « vaudra » que lança Molineux comme un coup de griffe. La figure palote, l'œil assassin du propriétaire frappèrent Dutillet, dont l'attention avait été d'abord excitée par une chaîne de montres qui soutenait une livre de diverses breloques sonnantes et par un habit vert mélangé de blanc à collet bizarrement retroussé qui donnait au vieillard l'air d'un serpent à sonnette. Le banquier vint donc interroger ce petit usurier pour savoir par quel hasard il se gaudissait. « Là, monsieur, » dit Molineux, en mettant un pied dans le boudoir, « je suis dans la propriété de monsieur le comte de Granville. »« Mais ici, » dit-il, en montrant l'autre, « je suis dans la mienne, car je suis le propriétaire de cette maison. » Molineux se prêtait si complaisamment à qui l'écoutait que, charmé de l'air attentif de Dutillet, il se dessina, raconta ses habitudes, les insolences du sieur Gendrin et ses arrangements avec le parfumeur, sans lesquels le bal n'aurait pas eu lieu. « Ah, monsieur César vous a réglé ses loyers, » dit Dutillet. « Rien n'est plus contraire à ses habitudes. »« Oh, je l'ai demandé, je suis si bon pour mes locataires. »« Si le père Birotteau fait faillite, » se dit Dutillet, « ce petit drôle sera certes un excellent syndic. Sa pointillerie est précieuse. Il doit, comme Domitien, s'amuser à tuer les mouches quand il est seul chez lui. » Dutillet alla se mettre au jeu où Claparon était déjà par son ordre. Il avait pensé que sous le garde-vue d'un flambeau de bouillotte, son semblant de banquier échapperait à tout examen. Leur contenance en face l'un de l'autre fut si bien celle de deux étrangers que l'homme le plus soupçonneux n'aurait pu rien découvrir qui décela leur intelligence. Gaudissart, qui savait la fortune de Claparon, n'osa point l'aborder en recevant du riche commis voyageur le regard solennellement froid d'un parvenu qui ne veut pas être salué par un camarade. Ce bal, comme une fusée brillante, s'éteignit à 5 heures du matin. Vers 7 heures, des 100 et quelques fiacres qui remplissaient la rue Saint-Honoré, il en restait environ 40. À 7 heures, on dansait la boulangère et les cotillons, qui plus tard furent détrônés par le galop anglais. Dutillet, Roguin, le comte de Granville, Jules Desmarets jouaient à la bouillotte. Dutillet gagnait 3 000 francs. Les lueurs du jour arrivèrent, firent pâlir les bougies et les joueurs assistèrent à la dernière contredanse. Dans ces maisons bourgeoises, cette joie suprême ne s'accomplit pas sans quelques énormités. Les personnages imposants sont partis. L'ivresse du mouvement, la chaleur communicative de l'air, les esprits cachés dans les boissons les plus innocentes ont amolli les callosités des vieilles femmes qui, par complaisance, entrent dans les quadrilles et se prêtent à la folie d'un moment. Les hommes sont échauffés, les cheveux défrisés s'allongent sur leur visage et leur donnent de grotesques expressions qui provoquent le rire. Les jeunes femmes deviennent légères, quelques fleurs sont tombées de leur coiffure. Le Momus bourgeois apparaît, suivi de ses farces. Les rires éclatent, chacun se livre à la plaisanterie en pensant que le lendemain le travail reprendra ses droits. Matifa dansait avec un chapeau de femme sur la tête. Célestin se livrait à des charges. Quelques dames frappaient dans leurs mains avec exagération, quand leur donnait la figure de cette interminable contredanse. Comme ils s'amusent, disait le Rebirotteau. Pourvu qu'ils ne cassent rien, dit Constance à son oncle. Vous avez donné le plus magnifique bal que j'ai vu, et j'en ai vu beaucoup, dit Dutillet à son ancien patron en le saluant. Dans l'œuvre des 8 symphonies de Beethoven, il est une fantaisie grande comme un poème qui domine le final de la symphonie en ut mineur. quand, après les lentes préparations du sublime magicien, si bien compris par Abenec, un geste du chef d'orchestre enthousiaste lève la riche toile de cette décoration, en appelant de son archet l'éblouissant motif vers lequel toutes les puissances musicales ont convergé, les poètes dont le cœur palpite alors comprendront que le bal de Birotteau produisait dans sa vie l'effet que produit sur leurs âmes ce fécond motif auquel la symphonie en ut doit peut-être sa suprématie sur ses brillantes sœurs. Une fée radieuse s'élance en levant sa baguette. On entend le bruissement des rideaux de soie pourpre que des anges relèvent. Des portes d'or sculptées comme celles du baptistère florentin tournent sur leurs gonds de diamants. L'œil s'abîme en des vues splendides. Il embrasse une enfilade de palais merveilleux d'où glissent des êtres d'une nature supérieure. L'encens des prospérités fume, l'autel du bonheur flambe, un air parfumé circule. Des êtres au sourire divin, vêtus de tuniques blanches bordées de bleu, passent légèrement sous vos yeux en vous montrant des figures surhumaines de beauté, des formes d'une délicatesse infinie. Les amours voltigent en répandant les flammes de leurs torches où vous sentez aimer. Vous êtes heureux d'un bonheur que vous aspirez sans le comprendre, en vous baignant dans les nuits de cette harmonie qui ruisselle et verse à chacun l'ambroisie qu'il s'est choisi. Vous êtes atteint au cœur dans vos secrètes espérances qui se réalisent pour un moment. Après vous avoir promené dans les cieux, l'enchanteur, par la profonde et mystérieuse transition des basses, vous replonge dans le marais des réalités froides pour vous en sortir quand il vous a donné soif de ces divines mélodies et que votre âme crie encore. L'histoire psychique du point le plus brillant de ce beau final est celle des émotions prodiguées par cette fête à Constance et à César. Collinet avait composé de son galoubet le final de leur symphonie commerciale. Fatigués mais heureux, les trois Birotteau s'endormirent au matin dans les bruissements de cette fête qui, en construction, réparation, ameublement, consommation, toilette et bibliothèque, remboursée à Césarine, allait sans que César s'en doutât à 60 000 francs. Voilà ce que coûtait le fatal ruban rouge mis par le roi à la boutonnière d'un parfumeur. S'il arrivait un malheur à César Birotteau, cette dépense folle suffisait pour le rendre justiciable de la police correctionnelle. Un négociant est dans le cas de la banqueroute simple s'il fait des dépenses jugées excessives. Il est peut-être plus horrible d'aller à la 6e chambre pour de niaises bagatelles ou des maladresses qu'en cour d'assises pour une immense fraude. Aux yeux de certaines gens, il vaut mieux être criminel que sot. Fin de la 3e et dernière partie du chapitre 1.